Allô, allô, allô, bonjour et bienvenue à Deux Fifs le matin, votre podcast de coquin et la seule radio poubelle homosexuelle de go. C'est nous ça. Yark. Parlant de poubelle homosexuelle, mon nom est Jess PVM, non-binaire, sobre, bipolaire, quoi d'autre, mon Dieu, musicienne, chanteuse, compositrice, interprète. De l'année. De l'année. Nominée de à, l'année, à, nominée à la disque. Ben, t'es blanche, là, tu oui, peux. Oui, je peux. Si, voilà, tout est dit. Et c'est la finale, et je veux pas que ça finisse. On n'a pas à peser sur stop, hein? On peut faire non, durer effectivement. Ça, Alors, bienvenue dans notre... Ça pourrait être l'histoire sans fin. Ouais. Ça pourrait être ça, notre nouveau podcast. Ouais. Un live de 2 mois. Ah ouais, hein? Make it happen. Faut encore Jean-Marc Parent, on va le battre ton record. Yeah! Toujours dans l'ordre rose. Moi, c'est Charlie Morin, puis j'avais tellement pas besoin de vos Spotify rap pour savoir que vous êtes des basic ass faggots qui font juste écouter Chromatica on repeat. Oui. I've been knowing. Oui. Je le savais. Oui. Cessez de me pourchasser. Oui. En partageant ça dans vos stories. Oui. D'ailleurs, shame on you, toutes les personnes qui n'avaient pas de fif le matin as le premier podcast que vous écoutiez. Ou... un autre de nos programmes. Un autre de nos programmes, ça le fait aussi. C'est correct. Crash ton thé, ça va. Crash ton thé, ça va. Hey, Queen, toujours. J'en ai vu du monde qui avait crash ton thé au sommet, puis deux fifs le matin en dessous. Puis moi, je les soupçonne de se garder un backlog, là, parce qu'on a crissement plus de content dans deux fifs le matin qu'avec crash ton thé. Ouais. Fait que d'après moi, il y a du monde qui s'en garde pour plus tard. Save some for later. Voilà. Comment ça va aujourd'hui, James? Ouais, non, c'est ça. Actually. Where do we even start? C'est ça ma réponse. Ça va bien et ça va mal parce que, comme beaucoup de personnes queer, non-binaires, trans, Noël était cancellé, c'est donc une excellente nouvelle. Oui. Mais c'est en même temps une très mauvaise nouvelle parce que là, je suis obligé d'assister à une petite pléthore de monde qui pense que c'est surprenant que Noël était cancellé. Ça doit être les mêmes personnes qui sont comme ah, la neige. Ouais. Ah, oh, il pleut. Mm. T'es des personnes qui sont surprises de l'évidence. Là. Moi, ça me gosse aussi. J'étais comme, c'est clair. Là. She brings it to you every ball. C'était clair que Francis Legault, il allait. Francis. Ah! Francis Legault! Yes! Francis, fais pas ça. C'était clair que François, il allait tout cancel. Ben, tu sais, puis c'est surtout, on pensait qu'on se donnait le go, mais on s'est donné le Grinch. Troum, toum, tch. Gag dégueulasse. Il va y avoir des mimes de ça, c'est Love sûr. Si on va en avoir des tonnes. Ah oui, puis ça vient d'être annoncé aujourd'hui. Fait que là, toutes les mimes vont être sorties. Ça va déjà avoir went viral. Je pourrais pas claim le crédit de ça. Non, on pourra pas. Sachez que j'étais là avant. Oui. Vous l'avez entendu ici. Voilà. On est le 3 jeudi, décembre. 3 décembre, 18h12. Voilà. Fait que... non, on est le matin. Il est 6h du matin. De 6h. C'est pas la magie, toi, Calis. Sacrement. Ouais, hey. Sort la cafetière. Sacrement. Donc, aujourd'hui, pour la finale, on se gâte avec un petit segment d'actualité pour une fois qu'on n'enregistre pas 2 semaines d'avance à Way. Commentons un peu le peu qui se passe ben là, en ces temps pandémiques. Ensuite de ça, on vous l'a dit l'année passée, on va vous le répéter cette année. On va faire la chose qu'on aime le plus, parler de nous autres. Yes! Un petit recap, on commente la saison 2 de Deux Fifs le matin, édition Année de marde. Ouais. Année de marde. Et pour finir, on vous partage les questions du pubis, faute de pouvoir avoir le pubis devant nous autres en live, ce qui nous brise le cœur. Voilà, voilà. Alors, on va prendre un café mortuaire ouais. pour cette saison qui meurt à petit feu à mesure qu'on parle. Mais qui revivra. Mais qui revivra. Qui revivra. Tel le phénix de Dumbledore, ouais. icône queer écrite par ouais. une notorious transphobe. Oui. On prend toujours un autre café. Alors, nous sommes de retour de ce café endeuillé et telle Céline couchée sur le cercueil de René. Nous avons bien pleuré et nous sommes back on track. Chris, t'étais parti pour nous faire une rime d'un bout à l'autre, là. Les Alexandrins, j'essaie d'arrêter. Ben, parce qu'un moment donné, le monde te trouve snob un peu. C'est ça. C'est là, ça l'affaire. T'sais. Tu come off un peu à stand-off. Non, je vais vous parler en prose, si vous permettez. Alors là, on se gâte. Oui. Ben, on se gâte, on se gâte pas, parce qu'il se passe tellement rien dans l'actualité, mais on va se gâter pareil, parce qu'il se passe des affaires dans l'actualité. Le peu d'affaires qui se passent, est-ce on va en parler. On va sauter dessus à pieds joints, hostie, comme si c'était les vendanges. Ah! Ta gueule. Fait que, ben ok, commençons avec ce qui n'est pas une actualité concrète, oui. mais qu'on oui. veut ramener à l'avant-plan de l'actualité. Oui. C'est-à-dire... être chill avec le fait qu'on peut se tromper et changer d'opinion quand on nous présente des nouvelles informations oui. parce que ces temps pandémiques et incertains viennent avec le lot de ça prend crissement du oui. temps à comprendre ce qui se passe, comment ça oui. fonctionne. Pis que... C'est assez long pour voir une chose et son contraire. Oui, c'est ça. Oui. Par exemple? Par exemple, on a parlé dans l'épisode Pandémoon, il y a de ça 67 mois. J'ai tellement volé la joke de Spotify, là, je me sens même pas mal. Mais ouais, il y a de ça 67 mois, on avait parlé de la pandémie, puis si on disait c'est donc bien cave de laisser les bars ouverts, puis de shamer le monde qui vont dans des bars, parce que c'est les bars, qui, c'est là que ça va se passer la propagation, ce serait bien mieux d'aller boire dans des parcs où on est à l'extérieur, blablabla. Turns out, c'est pas vraiment dans les bars que ça se passe. Non, puis au moment où on le sait, on doit fermer les bars. Et voilà! Fait qu'il y a pas juste nous qui changent d'opinion. Oui. Le gouvernement aussi, pour oui, le pire. Oui. Genre, oui, là, laisser tous les milieux de travail vers toutes les écoles, là, qui sont des lieux de transmission, puis se dire les bars, les restaurants, les musées, les bibliothèques, crever. C'est vrai que les bibliothèques, c'est un... Hey, les bibliothèques, sacrément, vraiment... là, that's a reach. Mais, là. D'après moi, c'est parce que François Legault s'est dit, attendez que je sorte ma suggestion de livre, ça va se garrocher dans les bibliothèques. Oui. Faut fermer ça dessus. How dare you bring this up? Mathieu Bock-Côté qui est comme vous me censurez en fermant les bibliothèques. Mathieu Bock-Côté qui a été censuré, je pense, sur 67 plateaux de télévision, oui. 157 entrevues, 350 articles de journaux. Mais laissez-le s'exprimer pour l'amour. Pauvre enfant. Non, moi là. Fait que c'est ça. Fait que, mais en même temps, c'est drôle parce que tu réécouterais Pandémon maintenant, puis c'est vraiment comme déjà une capsule de temps. Oui, de genre, on est déjà dans une autre époque. À ce moment-là, les choses qui se passaient, là, on est vraiment dans autre chose, dans la gestion de la deuxième vague. Mais, you're welcome, société. Les gens ont comme, sont comme un peu, sont un peu moins... You're welcome, société, excuse-moi. Continue. Société, si tu m'entends, tu es le bienvenu. Je vois beaucoup moins de shaming inutile et useless sur les réseaux sociaux. Je sais pas si c'est parce que j'ai bloqué tout le monde qui chialait. Moi, ou... je comme tu follow. Ah ouais? Ben, moi, mais l'affaire, c'est que je trouve qu'il y a... C'est les autres qui m'ont bloqué après Pandémon. Ah, ça se peut aussi. Non, mais moi, je trouve qu'il y a quand même encore des gens qui se drapent dans la vertu puis qui vont faire un espèce de truc quand ils annoncent le reconfinement, qui sont comme quoi, on a déjà déconfiné. Puis je suis juste comme, si t'as pas profité du moment où on pouvait sortir dehors puis où c'était moins risqué parce qu'on était dans un creux de vague de juste voir du monde pour ta santé mentale. Listen, good for you, I guess. Oui. Je sais pas quoi te dire. Tu sais, je suis pas. En même temps, je comprends qu'il y a du monde que ça stresse plus. Tu as une condition médicale, tu peux avoir ci, tu peux avoir ça, mais des fois, juste fesser sur le voisin, c'est pas vraiment la solution. Ça, là-dessus, je stand by what we said. Mais surtout dans un moment où la deuxième vague s'est organisée autour du travail et de l'économie, puis que c'est juste... Puis de l'économie normativité, là. Oui, puis c'est juste sur la santé mentale puis les loisirs des gens qu'on coupe, puis de... Alors qu'il y a pas de confinement, en fait. Voilà. Parce que toutes les milieux... Tu sais, je comprends qu'il y a des milieux de travail qui sont bien organisés puis que ça va, mais c'est principalement là que la transmission se fait. Fait que, tout le monde pensait que ça allait chier en été, c'est pour ça que c'est passé, là. Ben oui, puis c'est pas avoir quelques amis... Tu sais, comme ils essaient de nous faire croire que c'est dans le privé, en fait, mais les gens gèrent leur bulle comme du monde, puis je trosse vraiment plus les gens à être capable de garder un minimum de santé mentale avec un petit peu de risque plutôt que aucun risque puis capoter parce que tout ce que tu fais c'est genre produire pour le système puis rester chez vous angoissé. Puis je pense que le gouvernement lui a beaucoup intégré, s'est rendu très direct dans les allocutions gouvernementales de nous mettre ça sur le dos. Ah, si ça chie, c'est votre faute. Oui, parce que les autres ils ont tout fait là. Fait que moi, j'accepte pas cette responsabilité-là. Non. Bon, je fais attention pareil. Oui, mais je... Ah, maintenant, Chris, j'ai l'impression que j'ai le dos large. Non, maintenant, Chris, ça se là. En même temps, je viens de dire, société, you're welcome, je me prends déjà pas pour de la merde. Ah! Elle se prend pas pour une canette de 7-Up flat. Yeah, m'a dit une affaire. Hey, on s'en va-tu à Bruxelles? On s'en va à Bruxelles, certainement. On s'en va cueillir des choux. Ça, là, ce qui vient de sortir, moi, j'ai tellement d'affaires à dire. Oh, fait que là, quand est-ce que t'as pas tellement d'affaires à dire? Ben, aussi. Mais là, en partie, mettons, comparé à la moyenne, encore plus. T'sais. Fait que là, vous le savez peut-être. Sors-nous ton hongrois du dimanche. Ça s'en vient, là. Tu vas voir que mon hongrois, il est pas rouillé pour deux astitiennes. Joseph, ça, c'est facile. Ouais, ça gère. Ça gère. Ouais. Ça se gère plus. Ça se gère plus, certain. Eurodéputé du Fidesz. Ça, c'est le parti d'extrême droite hongrois, super anti-gay. Puis lui, il était comme haut placé, puis très près du premier ministre, qui est super virulent avec la communauté LGBT. Et maintenant, on comprend qu'il était peut-être plus près qu'on pense du premier ministre. Oh! Fait que c'est ça, dans le fond, il s'est fait prendre dans un party de chemsex avec 24 autres hommes dans un appartement bruxellois. Non, mais attends-moi, ce que je trouve le mieux de cette anecdote-là, c'est qu'une fois que la police est arrivée, il a essayé de se sauver par la gouttière. Il s'est blessé, puis quand ils l'ont trouvé, il a invoqué son immunité parlementaire. Oh, mais s'il n'avait pas invoqué son immunité parlementaire, personne n'aurait su que c'était lui. Là. Il aurait juste fait comme « you random bitch ». Parce que moi, j'étais confus dans tabarnak parce on donne une amende. On donne une annonce. On donne une annonce à la pub. Ah oui, Craigslist. Non, mais moi, j'étais confuse au début parce que j'avais pas compris qu'il était à Bruxelles. J'avais juste compris qu'il s'était fait pogner dans une orgie. Puis j'étais comme, c'est qui les tapettes qui essayent de coucher avec lui, qui acceptent de coucher avec lui? Mais je pense qu'il y a juste un truc d'anonymat où, comme ces figures de droite-là, spécifiquement, si c'est hongrois, genre, tu vas pas les reconnaître, là. Ben, c'est ça. C'est là où j'ai compris, quand j'ai compris qu'il était à Bruxelles et non pas en Hongrie, j'ai fait comme, ah, ok, ça se peut que le monde sache pas c'est qui. Oui, puis c'est un eurodéputé de ce. Puis on s'entend qu'en Europe, il y a 44 parlements à chaque, là. Fait que c'est sûr que c'est dur de suivre. Là. Listen. Voilà. Mais moi, je trouve qu'il y a tellement de layers avec ça, juste dans le traitement de ça. Ben parce que là, je veux dire, moi, pour moi, il y a deux éléments. Là. Oui. Il y a le grand mantra de « les plus homophobes, dans le fond, ils sont gays, puis c'est pour ça qu'ils sont homophobes. » Oui, oui, oui, oui. L'homophobie oui, est une inside job, les straights n'ont rien à se reprocher. Et « oh my God, il y a des hommes gays qui fourrent, how dare they, c'est une pandémie, oui. C'est le summum de l'irresponsabilité. » Fait que, commençons par la première partie, l'homophobie qui serait une inside job. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Pour faire un point court, c'est de la petite bullshit, mais on va quand même détailler pourquoi. Oui, on va quand même détailler pourquoi. Non, mais moi, il y a juste un truc où, genre, il y a une différence entre, genre, les messieurs de tous les jours qui répriment peut-être la curiosité qu'ils oui. pourraient avoir pour du sexe gay oui. en étant particulièrement virulents oui. Dans leur homophobie, puis des gens qui sont haut placés dans des gouvernements oui. literally fascistes, qui posent des actions concrètes pour nous pourrir la vie puis nous contrôler, qui, eux, parce qu'ils se considèrent au-dessus de nous, se permettent d'avoir du sexe avec d'autres hommes puis de profiter des bonnes oui. choses, tout en, genre, agitant contre cette communauté-là. Puis moi, ça me fait chier que après que ça sorte des médias, ils sont comme « oh my God, dans le fond, il était gay. » Puis je suis comme « non, he's not part of my community. » Non, puis... Peut-être qu'il couche avec des hommes. Je pense pas qu'ils se perçoivent et se conçoivent comme gay. Ou en tout cas, même si, tu sais, peut-être que si dans sa tête, il est comme « oh my God, je dois cacher que je suis gay, whatever. Oui. » C'est pas un narrative qui me prend au cœur puis que je me dis « il doit tellement être pas bien puis c'est pour ça qu'il fait oui. ça. » Puis qu'il est fait, je suis comme « fuck that shit. He's not one of us, genre. » Puis... Genre, j'ai de la misère, justement, là, ce que t'as dit, la conclusion de « ah, les plus grands homophobes, ce sont en fait des homosexuels intérieurs, ou personnes trans ou personnes lesbiennes. » Donc, nous, on dit homosexuels parce qu'on relate to that, mais comme... Genre, moi, ma conclusion de à chaque fois que ça arrive, ces affaires-là, c'est pas de dire « oh my God, bon, c'est ça, les grands homophobes sont des tapettes intériorisées. » C'est plus de dire « voyez-vous à quel point c'est vrai que l'homophobie, c'est juste un programme politique. » Ouais. C'est pas une question de « ah, oh, il manque d'éducation, ah, oh, autre temps, autre mœurs. » Non. La plupart des gens qui vont avoir un programme en face, ça n'a rien à voir avec la religion ou quoi que ce soit. C'est du contrôle, c'est de l'appauvrissement des minorités, c'est se maintenir au pouvoir. C'est pas... c'est sûr qu'ils vont cacher une grande cause morale derrière ça, mais ça peut être la religion, ça peut être le déclin de la société. Ben pour moi, au les final, familles qui vont se détruire à cause du mariage homosexuel. Ou... Mais moi, pour moi, au final, ça revient au genre les conservateurs de droite anti-avortement. Là, tu penses que ah oui. si leur fille à eux autres tombe enceinte par accident, elle n'a pas accès oui. à un avortement, ou ils ont maîtresse. Accès. Eux autres, c'est ça. Eux autres, ils ont le pouvoir. Eux autres, ils ont l'argent, puis ils vont toujours avoir accès à ce qu'ils veulent. C'est ça. Fait que lui, là, s'il voulait aller dans une avec 25 hommes, tu penses que c'est empêché? Tu penses qu'il s'est dit que moralement, il pouvait pas? Genre, il est allé, tu sais. Puis pour moi, c'est pas un truc de genre, il était gay, mais il se l'avouait pas, ou blablabla. Ouais. C'est juste un truc de comme, il se pense au-dessus de nous, puis il se croit tout permis. Puis pour lui, ça fait pas, pas de sens d'être à ces deux endroits-là, mais il sait qu'il peut pas se faire pogner. Ben là, guess what? Guess what? It happened, bitch. It happened. It happened. Je sais pas si je crois au karma à 100%, mais dans ce cas-ci, ça fait bien. Ça fait bien, comme on dirait. Mais ce qui est plate aussi, c'est que, tu sais, en tout cas, c'est arrivé, c'est sorti le 1er décembre, la journée internationale de la prévention du VIH. Oui, ça a un peu volé le spotlight. J'étais un peu fâché. J'étais comme, you nasty hoe, genre, ouais. qui réussit non seulement à genre être un homophobe notoire toute ta oui. vie, mais aussi le jour où tu te fais pogner dans une orgie de canne sexe, ça se situe. Overstep, genre oui. la Saint-Sida. Fais-moi penser, j'ai de quoi à dire sa journée parfait. De sensibilisation de la lutte contre le VIH-Sida. Parfait. Mais moi, ce qui me fait chier aussi que ça se soit sorti, c'est que là, après ça, il y a toute l'espèce de panique morale de « ah oui, of oh! course, c'est homosexuel. » Oui, j'ai dit. Panique morale? Not buzzword. Oh! Not buzzword, bref. Oh! Mais il y a toute l'espèce de panique de comme « wow, il y a des hommes gays qui font des orgies clandestines, puis genre, of course, les hommes gays ne savent pas se contrôler, puis again, of course, oui, genre... Oui. » Tu sais, puis je trouve qu'il y a un truc où... first, genre, quand tu fais du chemsex, c'est-à-dire utiliser des drogues oui. d'une variété de nature pour avoir du sexe avec un ou plusieurs partenaires, t'arrêtes pas du jour au lendemain parce non. qu'il y a une pandémie. Là. C'est pas le même que non. ça fonctionne. Non. Tu sais, je veux dire, on se comprend, il y en a des chemsex occasionnels, mais il peut avoir plein d'affaires là-dedans. Là. Il peut avoir plein d'affaires, mais même si c'est occasionnel, c'est parce que ça fait 9 mois là, qu'on est en pandémie. Genre, ça fait fucking 9 mois. Puis moi, à un moment donné, je suis tanné de faire semblant que personne fourre. Il y a du monde qui fourre. Oui. Puis pour vrai, on n'a pas encore identifié d'éclosion liée spécifiquement à ça. Lâchez-moi, Carlis. Non, mais c'est ça. Arrêtez de faire comme si, first, ça se passait pas. Puis deuxièmement, que c'était la pire chose que ça se passe. Parce que même, ils ont réussi à avoir une entrevue avec l'organisateur de cette orgie-là, qui disait que ben, la règle dans cette orgie-là, c'était qu'il fallait, que les gens aient déjà contracté le virus, genre la COVID. Oh! Ouais. Fait que tu sais, ça rajoute un truc de comme, ben non, c'était pas complètement reckless, c'est juste qu'on aime ça croire que c'est reckless. Oui, c'est parce ça. Que justement, il y a tout le temps ce poids-là de les hommes gays sont reckless puis vont faire n'importe quoi pour du cul, qui est comme une grosse idée préconçue conservatrice On s'entend que dans l'imaginaire de beaucoup de gens, une orgie, ça se passe comme dans porn, là, c'est comme hop, spontanément, on revenait de notre partie de soccer pour s'est tout retrouvé à poil. Non, ça s'organise. Ces choses-là. Ah, puis c'est de l'organisation. C'est pas facile. Faut être du lube pour tout le monde. Faut que la place soit propre. Faut pas que t'as cochonne avec ton lube. C'est probablement la job la plus proche d'organisatrice de mariage qui existe. Je pense que oui. Je pense que oui. Imagine, genre. Adam Sandler's en chanteur de noces dans une orgie, ça serait pas pire. Oh, hey, j'ai my God. J'ai une référence please. À Adam Sandler's. On a une chance que la saison achève. C'est ça, sacrement, on s'en vient straight. Oh, gosh. Non, mais imagine, c'est quoi le film avec J-Lo là, où c'est genre une organisatrice de mariage qui trouve jamais l'amour? Oh, imagine quoi ça? Mais imagine The Gay Version. Tu nous écoutes, je sais que tu connais la réponse, écris-nous. Yes. Puis imagine, genre, la version gay où c'est comme un organisateur d'orgie qui ne trouve jamais l'amour puis qui finit par le trouver. Make it happen. J'appelle men.com, ils vont nous faire un remake avec ça. Yes, ça j'espère que la SEDEC nous écoute. Voilà. fait que. Mais c'est ça. Je trouve juste que, comme, les hommes gays ont le dos fucking large. Puis que, genre, il y a des straight qui hook up aussi. Y a comme, t'sais, Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Puis je veux dire, s'il y a du monde qui, genre, se sont sacrifiés jusqu'à, genre, ne plus fourrer et ça depuis mars, good for them. Puis genre, tu prends les niveaux de risque que tu veux bien prendre, mais en même temps, je pense pas que c'est complètement impossible d'aménager ta vie en fonction d'avoir du sexe casual de temps en temps, puis d'être capable de prendre des précautions, de au pire t'isoler après voir moins de monde, dire aux gens que tu fais ça pour savoir s'ils sont down avec prendre ce risque-là de s'exposer à ça. Tu sais, comme... puis je pense que parce que la sexualité aussi c'est plus tabou puis on en parle moins, mais là c'est moins discuté, fait que là les gens genre est-ce qu'ils ont vraiment l'espace de dire que ça s'est passé, parce qu'à un moment donné des fois tu cèdes calice c'est on parle de 9 fucking mois là. Anyways. Moi j'ai dit j'avais de quoi à dire sur la journée internationale I believe de sensibilisation, ben, c'est pas c'est la journée contre. Je pense que la façon dont c'est écrit, c'est la journée contre le VIH-Sida. Je pense pas, je trouve ça bizarre comme formulation. Je pense pas que personne est pour. Oui, non, mais pour la prévention, contre. Voilà. Vous comprenez le principe. Puis j'en ai fait un point sur Instagram, puis je me suis dit, ça donne que je suis podcasteur. Fait que je vais utiliser ma plateforme pour refaire un autre point. Ah ouais, si. J'ai vu beaucoup de memes qui disaient si le gouvernement avait fait quelque chose, on n'aurait pas perdu une génération tout entière. Ou les choses qui tournent autour de ça. J'aimerais rappeler aux gens qu'il y a beaucoup de gens qui ont survécu au pic. Je veux pas dire à la crise, parce que la crise n'est pas terminée. D'ailleurs, by the way, c'est encore une pandémie très active et beaucoup plus grande que celle du COVID. Oui, là, on est rendu avec deux pandémies, Carlis. Pouvez-vous nous coller ça à peine? Voilà, puis arrêtez de dire que le COVID, c'est la pire qu'on a jamais connu. C'est faux! C'est faux! C'est juste que ça vous regarde moins. vous, je dis vous, le monde qui nous écoute, ils comprennent, mais vous, la société, you're welcome. Mais c'est ça, puis je pense que c'est important de pas effacer ces personnes-là, parce qu'on a déjà un gros problème d'âgisme dans nos communautés, où passer 35 ans, c'est comme si on n'existait plus. Mais si en plus on commence à aller dire des affaires, ça a effacé une génération complète. Non, faut se rappeler des gens qu'on a perdus, c'est extrêmement important. Non, mais ça a effacé genre la majorité d'une génération. Ben c'est ça, même majorité, il faudrait, je sais pas. Ah, il y a des stats assez impressionnantes. C'est ça l'affaire, c'est que c'était vraiment terrible. Nous, on le voit plus de loin, fait que des fois, on a de la misère à connecter sur à quel point il y avait un taux de mortalité absolument épouvantable. Mais bon, tout ça étant dit, n'oublions pas, s'il vous plaît, les gens plus âgés qui étaient là, puis ne les effaçons pas dans notre discours. J'en ai vu vraiment beaucoup de ça. Je comprends qu'on a un sens du drame des fois, puis que c'est impactful d'écrire une génération tout entière, mais je trouve que ça erase des gens qui en ont assez vécu de même, qui méritent pas de se faire effacer. Non, si. Donc, c'était ça mon petit point. T'as ma petite coche, c'était mon moment Jean-Luc Mongrain. Bon, c'est pas si pire. Tranquille. Hein, ça va. Là, dans le très récent, Coming Out d'Eliot Page. Eliot Page qui a joué dans Juno, puis Umbrella Academy. That's it. Il y a une troisième chose, mais je l'ai sur le bout de la langue. Mais. Anyway. C'est... Inception. Dans Inception. Ouais. Oui. C'était cool quand même, juste comme... Moi, j'ai vu des analyses comme quoi, genre, étant donné que la manière dont ça s'est passé... En tout cas, moi, il y a surtout plus eu du monde qui ont célébré ça, puis moins de backlash, mettons, que quand c'est Caitlyn Jenner qui a fait son coming out. À ça, j'ajouterais la nuance de... tu sais, oui, Caitlyn Jenner, c'était quoi, ça fait 5 ans? Je pense plus que ça. Ah oui? Je pense. Mon Dieu, ben c'est pour ça qu'on aurait besoin de recherchistes. Oui, voilà. Donc, la si Sodex, vous cherchez si une job pas payée. Toujours, c'est ça. Mais ça pour dire que on est toujours plus rough sur les femmes trans. Oui, ça c'est très vrai. Toutefois, moi, j'ai vu un point intéressant sur les internets. Je crois comprendre que les personnes transmasculines, n'en étant pas une moi-même, je vais essayer d'expliquer le mieux possible ce que j'ai vu. Si jamais je me méprends, je vais faire un erratum la saison prochaine, I guess, ou sur Instagram, je vous le dirai. Mais j'avais cru comprendre, à travers une couple de commentaires, de mimes et de textes, que la communauté transmasculine a souvent un espèce de préjugé de « Oh my God, t'essaies d'être un gars, c'est dégueulasse, c'est toxique, les gars, on n'aime pas ça, pourquoi est-ce qu'on voudrait se masculiniser, voyons donc, ça n'a pas rapport. » J'ai cru comprendre qu'il y avait une espèce de discours comme ça qui existait, qui n'est certainement pas prédominant, du moins je l'espère pas, parce qu'on a quand même le droit d'être un homme trans ou une personne à présentation plus masculine trans. Puis, mon Dieu, j'ai comme perdu ma conclusion. Mais en tout cas, j'avais trouvé ça un peu weird parce que juste, ouais, c'est ça. Les personnes disaient, OK, quand nous autres, on essaie de se masculiniser, on se fait dire, ah, ben là, pourquoi tu vas être plus gars? Mais quand c'est une célébrité, tout le monde est comme, oh my God, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Après ça, je ne sais pas à quel point ce discours-là est implanté dans nos communautés. Parce que moi, c'était nouveau. J'avais jamais entendu parler de ça. Ouais. Mais apparemment, ça existe. OK. Mais, donc encore une fois, il y a des gens qui en connaissent plus sur le sujet et que j'ai mal interprété ce que j'ai lu. Non, mais en même temps, je pense que c'est vrai que genre la communauté transmasculine n'est pas exempte de masculinité toxique, puis que ça peut être de la merde si genre you're way to reach for masculinity. Il n'y a pas de communauté qui est exempte de toxicité. Mais c'est ça. Mais en même temps, je pense que la masculinité est pas. Est-ce que la masculinité est mauvaise dans ça? Ben non, mais tu sais, comme... C'est ça. C'est pour ça qu'il y a un terme qui s'appelle masculinité toxique et qu'il y a un terme qui s'appelle masculinité. Mais en tout cas, toujours est-il que j'avais trouvé ça intéressant comme take. Fait que si jamais j'ai rien compris, puis dites-moi-le, parce que, en tout cas, c'est ce que j'avais cru comprendre de l'article que j'ai lu cet après-midi. L'autre affaire aussi, c'est Florence Ashley Paré, qui, elle, était venue sur notre podcast, je vous le rappelle. Qui disait, c'est sûr que c'est le fun, ça donne la représentation, c'est merveilleux, mais je pense que c'est un discours qui revient souvent, arrêtez de nous célébrer seulement quand on est en spectacle, quand c'est une vedette, quand c'est... Je sais qu'il y avait, c'est quoi son nom? India Moore, qui joue dans Pose, elle même chose, elle était comme, oui c'est le fun, Pose, on est content d'avoir fait ce projet-là, c'est une super série, mais... Ça ramène le problème d'arrêter de nous célébrer juste quand on performe et quand on vous donne un show à vous mettre sous la dent. Ouais. C'est quand même un point intéressant, mais en même temps, je veux dire, c'est une histoire vieille comme le monde, la difficile relation qu'on a avec le mainstream. Dès qu'on a un peu de parution, il y a comme quelque chose qu'on aime moins. Tu sais, ça sera jamais, en tout cas, peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est clairement jamais parfait. Là. Mais tu sais, je pense que c'est correct de trouver ça inspiring puis le fun. Oui. Puis de juste faire comme c'est autant inspiring puis le fun quand c'est genre aussi des gens qui sont pas publics, mais c'est ça. Qu'ils font, puis que, genre, fucking good for them. Genre, voilà. on doit être content pour les célébrer aussi. J'aimais beaucoup les mimes de personnes bisexuelles qui étaient comme « Je trippais sur Elliot avant, je trippe toujours sur Elliot. Still sexually attracted, tout va bien. » J'étais comme « Yes, bitch. » Moi, j'aimais beaucoup qu'il ait choisi, apparemment. Moi, je savais pas qu'il y avait des noms très... qui revenaient souvent dans la communauté trans après une transition, mais il paraît qu'Elliot, c'est un nom... genre qui fait partie du canon de la communauté, j'ai cru comprendre. Donc on remercie Elliot d'avoir respecté cette partie de l'histoire queer. Love that for him. Puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je pense que c'est ça. Ben c'est ça. Je pense que c'est ça qui est ça. Quand c'est ça, c'est ça. Voilà. Fait que félicitations, on est content d'avoir une autre moon dans la gang. Yay! Fait que sur ce, toujours sous le grand thème du deuil, allons vers notre marche funèbre, vers ce café que nous boirons sans... Café noir comme le linge que vous allez porter à nos funérailles. C'est ça. Voilà. On engage-tu des pleureuses? On aurait dû engager des pleureuses. On les a pas bouquées à temps. Mais de toute façon, en pandémie, il aurait fallu qu'ils pleurent à distance. Ça aurait été compliqué. Non, on n'aurait pas eu un effet de groupe. Ouais. Voilà. Fait que pleurez. Vous pleurez sur le Zoom. OK, alors on est sorti de notre urne funéraire après avoir pris notre petit café. Oui, quelqu'un l'a frotté trop fort en la nettoyant, puis on est sorti tel des génies. Voilà. On a dit, vous avez 3 souhaits, ils nous ont dit de terminer l'épisode, calice, il nous reste 2 souhaits. Moi, je fais pas de 3e saison, c'était le 2e souhait. Oui, puis après ça, le dernier souhait, c'était... le 3e souhait, c'était... pas de 3e saison, mais skipper direct à 4e, puis ouvrir avec Éric Duhem pour vrai. C'est vrai! C'est vrai! Parce qu'il nous amène à notre recap de saison. Yes! C'est vrai, ça a commencé avec un tout un stunt. Oh, girl. J'ai traumatisé une génération entière d'homosexuels. Je suis fatigué, là. Et de queer. Ouais. Parce que j'ai ça... Fier de ma chatte. Ah, hein. Yark, tu m'écœures. Si vous voyez sa face, là, si vous voyez la satisfaction On a sorti une heure de dead hair, genre de gros silence, avec une promesse comme quoi on avait reçu Eric Duhem à l'épisode. C'était de la petite bullshit, c'était juste de la promo. Je tiens à rappeler encore une fois que moi, j'avais pas été consulté sur, voilà. Avec Eric Duhem. Moi, on m'avait juste dit un épisode vide. Oh, ça va être drôle, tu sais. Là, ça prenait un peu de sel là-dessus, là, sinon... Oui, non, sinon c'est juste une plaie. Hein. Puis là, avant de tomber dans la saison, on a quand même eu du momentum avant de commencer la saison. Là. On s'est fait élire podcast numéro 1 à Montréal. Oui, puis on le mentionne pas souvent d'ailleurs. Non, on a, je pense pas qu'on vous en a parlé. On a été très humble, on l'a gardé on the low, on l'a pas souvent dit. On est aussi bien de le dire, parce que s'il y a une affaire qui nous a pas rapporté un auditeur, un follower, rien, c'est bien d'avoir été élu premier podcast à Montréal, toutefois. Toutefois, étant donné, on avait, je pense qu'on avait parlé au début de la saison maintenant, mais c'était quand même plus long remplir le formulaire pour voter pour tes affaires préférées que de faire tes impôts. Oui. Fait que toutefois, je tiens encore une fois à remercier la dedication des Moons. Pubis de feu, Asti, qui avait voté pour nous en masse. Yes. Ça me rassure parce que ça veut dire au moins que les gens qui nous écoutent. Ouais. Ben, on le sait parce que vous nous écrivez comme ça se peut pas. Vous participez à nos stories quand on écrit des stories. Fait qu'on sait que vous êtes vraiment une vault. Puis ça, c'est crissement trippant. C'est tout juste si vous venez pas nous border le soir. Là. Ben, dès que le confinement est fini, on le sait que vous êtes là. Voilà. Moi, tu vas venir me chanter Maman l'enfant d'eau. Là, pis, ben, quoi? Maman l'enfant d'eau? Ouais. C'est une toune? Moi, j'ai tout fait pour oublier mon enfance. Ça fait que. I don't know the song. Girl. Ouais, fait qu'il y a eu ça, il y a eu, tu te rappelles-tu quand Spotify Canada nous a fait de la pub? Oh. Ça aussi, c'est crissement rien passé après ça. Moi, je pensais qu'on allait donner les stars, esti, puis non. Jesse, ils nous ont contactés, puis on était comme, mais là, mon Dieu, on va être projeté à l'avant-scène, dans toute la francophonie. Toutefois, je sais que on pop sur Spotify, ils nous font de la pub. OK. Ça, c'est vrai. Bon, ben là. Ça, c'est quand même le fun. Oh my God, don't doubt my them, là. En même temps, je veux dire, non, je sais, je niaise, là. De toute manière, je dirais, on saurait pas le faire en suédois, là, ils entendront pas. Non, c'est ça. Fait que... ouais, fait que ça c'était quand même. Mais, c'est ça, c'était le fun. Tu sais, c'était agréable, mais ça je trouvais que ça avait mis la table pour une saison, mais malheureusement, à cause de la style d'année de marde qu'on a eu, ça a comme. Girl, tous les lives qu'on aurait fait. Chaque épisode aurait été live, en fait. Je pense que chaque épisode aurait été devant Pubis. Oui, on avait booké le national pour 3 mois. C'est ça. Voilà. Ouais. Voilà. D'ailleurs. En huis clos, d'ailleurs, personne sortait. Personne sortait. On aurait juste vécu là. Oui. Absolument. Absolument. Il fut un temps où je travaillais juste en face, moi. Ah ouais. Moi aussi, j'ai travaillé en face nationale. Tu travailles à la même place. Ben oui, mais moi, je travaillais au resto en face. Geneviève Brouillette, un moment donné, là, était venue acheter un thé, puis elle me regardait clairement comme si elle savait que je savais qu'elle était Geneviève Brouillette, puis qu'elle était comme... La petite boulangerie! Very humble about it, là, puis j'étais comme, mon Dieu, là, t'es juste Geneviève Brouillette, là, genre... Non, c'est pas Geneviève Brouillette, qu'est-ce que je dis? C'est notre famille, déjà. Scandale! Geneviève Guilbeault? Non, Geneviève, l'animatrice, là. Geneviève Brouillette, c'est rumeur, right? Okay. Coupez ça au montage, s'il vous plaît! Je suis Geneviève Brouillée, là, parce que je ne sais pas. Attends, non, faut que je trouve. T'as peu, OK, on appelle notre recherchiste. OK, Google. Oui, parce que là, depuis tantôt, on dit des affaires pas d'allure sans googler. Là, c'est incroyable. On va se faire poursuivre par Geneviève Guilbeault, ça sent bien, je le sens. Geneviève. Alors, Geneviève. Hey, là, je sais pas pour vous, mais le suspense est intenable. Moi, je suis sur le gros crise de nerfs. C'est pas Geneviève Brouillette. À qui t'as donné un thé? Voyons, c'est dans ma caméra, esti. Dans ma caméra? Oh, c'est Geneviève Bond? Non. Ta gueule. Geneviève Tremblay. Geneviève Borne. Fuck you, j'étais-tu proche de même? Ouais. Ah ben c'est ça. Oui, c'est Geneviève Borne. Puis elle avait vraiment un regard, un tendre regard de comme, ben oui, je sais que je suis Geneviève Borne, mais qu'est-ce que tu veux? Je veux juste un thé vert. Puis j'étais comme, hey là. Moi j'ai déjà servi Guillaume Lepage dans une... je travaillais dans une charcuterie. Ouais. Puis il me demandait la différence entre deux prosciutto et ma réponse c'était le prix. Puis... Pis il était comme « Money ain't a thing, tu sais-tu dans combien de pays j'ai vendu un gars une fille? » Ben, il m'a dit « M'en prendre le plus cher. » Tout simplement, genre, il était très satisfait de mon pitch. Ouais. C'est tellement bon! Ouais. Fait que c'est le plus proche que j'ai été de penser à Tout le monde en parle, merci. Il y a une recherchiste de Tout le monde en parle qui nous écoute. Si tu nous écoutes encore, on veut y aller sur le show, on est prêt. On est disponible. On est down. On est vraiment disponible. On va pas exposer les affaires de prosciutto à Radio-Can, là. Ah oui? Ça, ça reste dans le podcast. Là, le c'est correct. Le prosciutto gate. Mais... Oui. Qu'est-ce qu'on a fait cette saison aussi? Ça m'a encore tellement rire, le prosciutto. Mais cher, oui! Regarde, c'est quoi la différence, le prix? Et voilà, c'est tout. Okay. Tu l'as, moi, de connaître ça, les viandes froides, moi? Cold cut expert. Oh God. Et tu l'air de travailler dans un esti de délicatessen. Merci. Ok. Hein? Chris, là. Je te paye un salaire minimum. Pas payer assez cher pour connaître mon prosciutto. En tout cas, on divague. On digresse, là. C'est ça. À peine. À peine. À peine. De toute façon, la pancetta, c'est bien meilleur. Oh. Non, bon, regarde. You heard it here si first. Si on est dans le sujet. You heard it here first. Anyway. Tu voulais aborder les défis d'avoir un podcast queer et politique. Oui. Jess, dis-m'en plus. Oui. Là, c'est le moment où le vrai contenu s'en vient. Là. On a arrêté de gossip après, après nos jobs de service puis le star system québécois. Je dev, whatever. Là, fait que... Ouais, parce que nous, on utilise beaucoup l'humour comme véhicule. Hein? Les gens qui ne l'ont pas remarqué encore, c'est un peu la façon dont on aime passer nos messages. Puis je pense que c'est quand même une manière efficace. Je critique pas ça. Mais j'ai un peu l'impression que dès qu'on devient sérieux ou sérieuse, tu sais, des fois, le temps d'un épisode, tu sais, je veux dire, on n'a pas tous des pros du podcasting qui font de l'humour, qui viennent sur les shows nécessairement. Genre, des fois, il y a des conversations plus sérieuses qu'on a, tu sais. Puis des fois, je suis comme. Je le vois un peu dans le listening, dans les réactions sur Instagram. Puis des fois, j'ai un peu l'impression que les trucs easily relatable, le monde capote. Genre, on a fait un épisode sur Occupation Double, puis le monde était lit. Puis après ça, quand on fait un épisode qui tourne plus autour d'enjeux difficiles à relate pour la moune blanche moyenne, mettons qu'on parle de racisme, on va dire, ou qu'on fait un trans takeover, whoop-là, là, soudainement, on sent que le public est moins là. Mais, tu sais, moins là, on s'entend. Là, on n'a pas des drops de genre moitié non plus, tu sais. Mais... Faudrait que je revérifie, parce que je pense que oui. Non, mais en même temps... À l'aise. Non, mais en même temps, tu sais, je pense que c'est correct aussi de genre tergiverser entre les deux pour justement, oui. Tu sais, ajouter une bouffée de d'affaires plus légères de temps en temps, mais aussi oui, parce pour... Qu'on s'entend que c'est ça. Sinon, on aurait juste des mauvaises nouvelles. Oui, puis je trouve que c'est cool aussi d'avoir du contenu genre plus funny pour comme repêcher du monde, puis après ça, les amener vers des épisodes à teneur mais c'est un équilibre qui est sérieux. Dur. C'est un équilibre qui est dur. C'est vraiment difficile, parce que, tu sais, puis tu sais, comme, en tout cas, je suis... Tu sais, je dis pas ça, dans le fond, pour dire au monde, faites pas votre job si vous êtes pas des vrais gauchistes. Pas ça que je veux dire, mais comme... donnons-nous la peine d'écouter des choses un petit peu... Même si des fois, OK, il y a moins de jokes au pied carré, c'est un petit peu plus sérieux. Donnons-nous la peine d'écouter ces épisodes-là, parce que des fois, c'est des discussions qui sont importantes à avoir, puis je pense que ça fait partie de l'éducation politique de pas juste aller vers le « easily relatable ». Je pense que c'est important de le mentionner, parce que moi, je me pose beaucoup ces questions-là. Tu sais, je donne un exemple, tu sais, on parlait à l'épisode d'épicelle, puis tu sais, j'étais comme... Je pense que c'est important de... Oh. Désolé. Je pensais pas qu'elle allait sortir fort de même. T'as une belle écoute. Oui, mais je sentais venir. Je pouvais pas le laisser sortir. Donc. Oui. Charlie, elle se peut plus. Elle a roté, là, puis la brogue. C'est incroyable. Continue. Je vais te laisser avoir ton petit fou rire en ondes. Je veux que les gens voient le degré supérieur de ta maturité. Oui. Ah ouais, il rit là, t'as raté. Il m'a dit, non mais pourrais-je... Oh my God, c'est trop pas drôle. Fait que là, c'est ça. Je parlais des ficelles. Puis tu sais, je disais à quel point c'est intéressant de partir d'un truc de l'actualité pour en faire des critiques. Mais tu sais, mettons là, les ficelles prennent tous les sujets de conversation qu'ils ont eu puis ils les rattachent pas à Occupation Double. Est-ce que ça va pogner autant? Est-ce que Ricochet va aller les voir pour dire « OK, venez-vous-en, vous autres, c'est vraiment écœurant. » Ou est-ce qu'on a toujours besoin de cette espèce de petit bonbon-là, qui est correct, que tu l'as super bien expliqué, genre c'est correct des fois d'avoir des bouffées d'air frais puis d'en parler avec un peu plus de légèreté, parce qu'effectivement, sinon, on va devenir comme beaucoup trop médias quand ils traitent l'homosexualité, la diversité de genre, whatever, qui sont super négatifs, puis que c'est vraiment juste les mauvais côtés, puis parle-nous de ta transition, parle-nous de ton coming-out, nanana. Mais c'est drôle que tu parles des ficelles, en fait, parce que moi, je trouve qu'elle, elle relève vraiment bien ce défi-là de, tu sais, partir d'Occupation Double comme prétexte léger, mais tu sais, des fois, là, elle pète des bulles, là, genre, tu sais, d'aller directement sur, comme, ils ont visité plein de réserves autochtones, là, ben pas des réserves, là, mais plus des territoires autochtones, à OD cette année, puis là, ils sont allés deep dive dans, genre, qu'est-ce qu'on en pense, genre, avec un invité qui, lui, oui. genre, donnait ses takes en tant que personne mais... autochtone là-dessus, puis c'était vraiment bon. Je dis pas que c'est pas bon, au contraire, mais la question que je pose, c'est s'il y avait pas Occupation double, est-ce que le monde se serait garoché là-dessus pour s'éduquer politiquement? Je sais pas. Je sais pas. Puis tu sais, je suis pas en train d'affirmer, je me pose des questions. Genre, je me demande, parce que c'est sûr que comme podcasteur, des fois, je me pose la question, je suis comme... Est-ce que... puis là, on parle juste du podcast, mais il y a aussi la relation avec les médias sociaux. T'sais, des fois, j'ai un peu l'impression que peu importe le contenu que tu crées, il faut que tu sois un Instagrammeur ou un YouTuber ou quelque chose de même, genre, puis que tu penses en termes de following. Puis ça aussi, des fois, c'est comme un peu brainwashing parce que je suis comme, j'ai pas envie d'avoir 14 millions de followers qui s'intéressent à moitié de ce que je dis. J'aime autant mieux avoir les quelques milliers de personnes qui nous écoutent puis qui nous follow hardcore puis qui écoutent pour de vrai. Ouais. Puis tu sais, comme des fois aussi, j'imagine, je sais pas si tu te poses des questions là, mais tu sais, des fois, je me dis, est-ce qu'on veut plus de public? Est-ce qu'il va falloir, genre, trade un peu de politics for a little bit more fame? Genre, des fois, c'est comme... Tu sais que je me pose jamais de questions. Non, tu vas trade politics for fame, c'est sûr et certain, mais... Moi, tout ce que... Moi, je fais ça pour la gloire, quand voilà. même. Voilà. Puis comme, moi, je fais ça pour être sûr que les gens m'approchent plus. Ça fonctionne jusqu'à maintenant. Tout ce que j'ai dit au micro a fonctionné. Mais comme non, c'est ça, c'est des questions que je me pose. Alors, si vous êtes des artistes et que vous posez ces mêmes questions-là, écrivez-nous. Je trouve que c'est une balance difficile à faire. Moi, ça m'angoisse des fois, ça m'empêche de dormir le soir. Parce que c'est au point que quand je fais d'autres projets, des fois, je me dis « Ah, ben là, je suis beaucoup comique sur Deux Filles le matin, fait que je vais être beaucoup sérieux sur mon autre projet. » Puis là, des fois, je commence... Tu sais, oui, le podcast reste super intéressant, puis genre, en tout cas, je veux pas me pitcher des fleurs, mais généralement, j'essaie de bien faire ma job là, dans le mieux que je peux. Yeah. Mais c'est vrai, des fois, je suis comme... Ah, j'aurais dû me donner un petit peu plus de pestac, genre, pour garder le monde accroché, des affaires de même. Tu sais, ça roule bien gros dans ma tête. Des questions qu'il faut se poser quand on est quand on a un micro puis que le monde nous écoute. Bon. C'est important. Fait que là, recap. Recap. Là, j'ai fait mes petits points. Là les mots n'allaient pas nous écrire que je vous ai chicané. Je l'ai fait, mais. C'est pas vrai, mais en tout cas, restons allumés. Restons ouverts et ouvertes. Puis même si des fois c'est un petit peu moins drôle, écoutons. Écoutons. Et du con, nous. C'est ça mon preach. Alléluia! Non, c'est Amen. Amen. Voilà. Je sais, j'ai été excommunié en 88. Je vais pas là souvent. Là. Non. Mais je pense que si je touche à l'eau bénite, je brûle. Ah! On voulait faire un petit retour sur Crash Ton Thé. Ben, on peut. Là. On a le droit. On a le droit, on n'a pas fait de recap de Crash Ton Thé dans Crash Ton Thé. Fait qu'on va le faire un petit peu ici. Bon. Pour ceux qui n'auraient pas... Celles et ceux qui n'ont pas... Oui, dire de Crash Ton Thé, ben on l'a mentionné plutôt dans l'épisode sans voilà. le contextualiser, mais regarde, voilà. On va le contextualiser celles maintenant. Celles et ceux... qui ont manqué une occasion de mettre un petit peu de beauté dans 2020. Ouais. Votre année a été plus sombre sans Crash Ton Thé si vous ne l'avez pas écouté. C'est notre podcast chez Cap de Drag Race Canada. Exactement. What about it? Premièrement, écoutez-le. Oui. Si vous n'avez pas écouté Drag Race Canada encore, vous êtes en retard, fait que faites un mix and match des deux. Moi, là, j'ai toujours des petits rêves de podcasteur, genre des choses que j'aimerais faire. Puis... autant je m'étais dit, jamais mon content va avoir besoin d'un truc mainstream pour exister, justement. Genre, moi, c'est pas quelque chose qui fait partie de ma démarche artistique, on va dire, là, de faire des recaps de quelque chose ou de. Puis encore une fois, je respecte énormément les gens qui font ça, c'est juste pas ma gig. Mais là, c'était Drag Race Canada. Fait que là, c'était comme très difficile de dire non parce que c'est beaucoup plus proche de nous. Nanana. Puis même si je voulais pas faire, mettons, un podcast sur Drag Race US ou whatever, j'avais quand même envie de rencontrer, à un moment donné, une Ru Girl. Quelqu'un qui a fait Drag Race, que j'aime, que je fangirl dessus. Puis là, j'ai comme été, puis je sais pas pour toi, mais on a comme été double gâté parce que non seulement c'était quelqu'un qui est allé sur Drag Race que je respectais, puis j'aimais, mais c'était en plus, c'était des drags locales. On a eu oui, Kiara, c'est puis Rita, ça. Puis non, tu crèves. Mais c'était l'enfer, comme moment bonbon, en fait, d'avoir ces moments privilégiés-là pour jaser avec elle. Genre, moi, je capotais. Puis elles ont été super généreuses de leur temps. Puis, un oui instantané, c'est à peine s'ils nous ont pas appelé pour venir, calvaire, c'était tellement fun. Puis c'était cool aussi de comme pouvoir les suivre, puis d'analyser, puis commenter leur parcours, les connaissant avant, puis de pouvoir faire comme un bon wrap-up avec elles par après. Puis surtout, je veux dire, on peut se lancer des fleurs, mais c'est vrai que, tu sais, Rita l'a dit, elle nous écoutait, puis elle était comme, me semble qu'il voit bien les affaires s'en venir, puis j'étais comme, it's me. Pas qu'on est des professionnels. Mais... ben, En tout cas, société. Tu es le bienvenu. Title of Ep. Ben là, on peut aussi fantasmer sur le futur de Crash Ton Thé. Ben là, déjà, c'est saison 2 We Back. Ben là, oui. C'est ça. S'il y a une saison 2 de Drag Race, c'est sûr qu'on fait une saison 2. Ça, je peux l'affirmer sans hésitation. Wow, ça, c'est très, très, très, très, très clair. De qui on aimerait parler? Qui c'est qu'on veut voir sur Drag Race Canada? Moi, pour vrai, un comeback de Célinda. J'ai plus envie de dire à le dire. C'est Drag Race Canada. Un comeback de Célinda, s'il vous plaît. Oui! Ben oui! S'il vous plaît, de grâce. Cantelli, ça serait hot aussi. Là, pour les gens qui ont pas trop suivi Crash Tonté ou la scène drag à Montréal de 1990 à 2000. Célinda travaillait chez Mado, une drag queen qui, je crois, ne performe plus. Et Cantelli a fait un comeback une fois de temps en temps, mais c'était vraiment une hostie de drag queen de feu, genre... Et plus, on aimerait vraiment ça les voir revivre, les voir ressusciter pour Drag Race Canada. Mais dans le concret, là, mettons un top 3 de gens qu'on voudrait voir. Moi, je pense que Boom Boom, elle performerait bien. Boom Boom, elle serait vraiment bonne. Elle serait vraiment bonne. Elle serait vraiment excellente. Moi, je sors du Québec. Oh! Voilà. Puis là, je vais tricher, je vais en nommer deux en même temps, mais c'est une house. Bon. J'aimerais savoir la House of Bay de Toronto débarquer, Halal Bay. Ah, mais là, mais oui. D'ailleurs, Halal Bay et Bombay qui ont. Elle aussi, ou Yel, je suis pas sûr de leur genre en drag parce que c'est un peu gender bending leur affaire. Ils ont un recap de Drag Race Canada aussi sur YouTube. Oh oui, oui c'est vrai, c'est full bon. Ah, sacrément, c'est excellent. C'est le seul autre bon recap de Drag Race Canada. Ouais. Que, ouais. Ouais, ouais, ouais. Sorry, Manella. Si jamais ils nous adoptent, moi je vais être Bombay. Mais justement, Bombay, c'est en référence au gin. Ah, oh, c'est bon. Voilà. C'est bon. Voilà. Fait que c'est ça la joke. Fait que tu pourrais être effectivement Palm B, qui est l'équivalent de la Pabst dans les drinks alcooliques, j'imagine, là. Ouais. Ça a l'air de venir déjà avec un botch au fond, là. Non? Quand... Fait que là, j'en ai nommé deux, mais c'était comme un. Ouais. Ah, c'était un. Ok, bon. Mais c'est quoi? Ça comptait pour un. Fait que okay, ton deuxième. Quoi, mon deuxième. Ok, Boba m'a serait bonne. Ben là, tu sais, je veux dire. Parce que moi, je suis un peu dans un truc de comme. Aussi de pas nécessairement y aller pour comme qui je voudrais voir, mais plus comme qui je pressens qui va. Ah, ok, oui, ça peut être une bonne idée. Ouais. Fait que tu sais, Boom Boom, moi, à un moment donné, Rainbow, no-brainer. Là. Ah, moment oui. Moment donné, c'est sûr qu'elle va être deux semaines. Deux, trois, quatre. Moi, c'est sûr qu'elle est là, ouais, à un moment donné. Ouais, ouais, ouais. Faut juste qu'elle arrête d'en parler. Gueule, c'est ça le truc. Ta gueule! Tu peux plus en parler. Si tu dis à tout le monde que tu vas aller sur Drag Race, c'est pas assez surprenant, fait qu'ils te mettront pas avant saison 9, ils vont te faire un Mayan Miller, là, puis ils vont te tenir jusqu'au bout. Anyway, dans les personnes pressenties et que je veux voir, on va faire une pierre deux coups. Oh my god. Mais là. Je ne peux pas ne pas nommer ma girl. Mais oui, mais là. Mais oui, mais là. Puis elle gagnerait. Je m'excuse, oh my god, est sur le show, elle gagne. Il n'y a aucune question. No question asked. All right. Genre, c'est clair. All right. C'est très, très, très... À moins que la prod soit complètement ses vapes, là, mais... Genre, il n'y a pas... Y a très peu de aussi well-rounded queen que moi, je connais encore. Là, je ne connais pas tous les drags du monde. Là, mais... Ouais, ça serait mon top 2. Ben, ce serait mon top 1, mais je l'ai dit en premier. Fait que, ben, regarde. Yeah. Ah ouais. Sorry, Uma. De toute façon, non, je dirais que c'est chiant. Pauvre Uma, c'est parce qu'avant, elle était drag queen numéro 1 de Montréal. Elle avait été votée, elle aussi, dans le culte. Puis elle l'a comme perdue cette année. Puis elle a fait bien des jokes là-dessus. Fait que je me permettais de faire une joke là-dessus. Mais pour les gens qui connaissent mais pas Uma, you know ça what, va être you know what, karma's a bitch. Uh-huh. Fait que fais attention pour l'embrasser. C'est nous autres qui va prendre une drop. Puis fucking Mike Ward va nous dépasser. Non. Non, non, non. C'est ce qui serait drôle l'année prochaine. C'est qu'on ait trois spots dans le top 5. Crash ton thé, deux filles le matin. Puis accessoirement, Hey Queen. Pour les gens qui se rappellent encore que j'ai fait un podcast l'année passée qui a été drastiquement interrompu par la pandémie. Make it happen. Make it happen. Ton dernier choix? Mon dernier choix, ben moi pour vrai, Igéanne, je la porte dans mon cœur. Ah oui, oui, je l'aime full. Genre, oui. Et quel nom. Oui. Quel nom, oui. Igéanne comme l'épicerie, oui. Genre I Live. Oui, moi ça me fait chier, je l'ai pas encore vu performer. Oh. Puis j'aimerais vraiment ça, parce que je sais qu'elle est bonne, sa réputation la précède, et elle look fierce en tabarnak. Puis on s'est souvent parlé sur Instagram, ça a l'air d'être un ange, cet enfant-là, c'est effrayant. Ouais, fait que voilà. We root for you, bitch. Voilà, fait qu'Igéanne, si tu nous écoutes, commence ton audition. Chop, chop. Si tu l'as pas déjà fait ou si tu l'as fait l'année passée, recycle pas ton tape parce que tu peux pas faire deux fois le même. Oh, ah, c'est chiant. C'est vrai, ça. Hein, c'est chiant ça. C'est chiant ça. Moi, mon dernier choix. Ouh, c'est dur. Dernier choix. Miss Butterfly. Je la verrai. Ouais. Miss Butterfly, elle pourrait faire un esti de bon show là-dessus parce qu'elle est witty as fuck. Son anglais est perfect. C'est quand même une légende à Montréal, là, on s'entend. Là, ouais. Je pense que ça fait 20 ans qu'elle fait ça ou à peu près. Fait que non, vraiment, Miss Butterfly, je pense que je la pressentirais puis j'aimerais ça la voir là. Ouais. Ouais. Parce qu'en plus, ça fait partie. Tu sais, des fois, l'angiste nous fait dire ah, les queens qui sont plus vieilles sont moins connectées à la réalité, sont moins queer, sont moins politisées. C'est pas vrai. Genre, tu vois du monde comme Miss Butterfly qui compte. Ça serait le fun d'avoir quelqu'un qui a pas 20 ans mais qui est queer. Et puis moi, il y a comme un truc aussi où genre, je trouve que plus ça va, puis plus il y a. Ça existe plus du monde qui commence à faire de la drague sans avoir été full exposé à Drag Race. C'est vrai. T'sais. Fait c'est vrai. Que, un moment donné, on n'aura plus non plus de gens qui sont comme un peu qui étaient des canevas vides de Drag Race avant de commencer. Puis, tu sais, je trouve qu'il y a quand même un truc d'être ancré dans ta communauté de manière vraiment différente quand tu as vécu l'ère pré-Drag Race. Oui. Puis, un moment donné, ça va être appelé à disparaître avec le temps. Oui. Fait que c'est ça, je suis aussi comme vraiment attaché à ça puis à ce que ces queens-là aient une place, même si ils sont moins Instagrammable puis qu'ils n'ont pas le petit blush rose à faire un monde, genre, sur le jeu. Tu sais, comme... Puis, tu sais, je pense que ça peut que bénéficier à Drag Race d'avoir des queens qui existaient avant Drag Race. Oui. Parce que... I mean, je veux dire, ils l'ont inventé le métier, là, Chris, là, c'est pas... En même temps, RuPaul aussi, ça fait 35 ans qu'elle fait ça, elle en a vu d'autres, là, mais... Effectivement, il y a un moment donné dans les proches, mettons, dans 10 ans, on va dire. Ben, là, j'exagère, là, il y a n'importe quel drag queen qui a plus que 30 ans a commencé. Ben, c'est ça qu'on sait pas à quel âge qu'on a commencé. On sait pas à quel âge qu'on a commencé. On sait pas. Dites-le-nous, les filles, dites-le-nous, on va faire des stats, on va commander de guerre. On va partir une étude qualitative, c'est on va partir quelque chose, là, la SODEC. Si vous nous écoutez... La SODEC, écoutez-nous, s'il vous plaît. Vraiment. On a plein de bonnes idées, ici. Ou juste envoyer le chèque. Pas juste envoyer le chèque aussi, c'est bien correct. Je suis disponible, si je suis ouverte, écartée, prête à recevoir. Ouh! ton pire moment à deux fifs cette saison? Mon Dieu Seigneur, mon pire moment à deux fifs cette saison. C'est sûr que la joke est tellement facile, l'épisode sur Occupation Double, j'ai tellement chialé dans cet épisode-là. Que j'ai... Puis même après. Même après, puis je vais continuer jusqu'à ta mort. Puis... ta mort prochaine. Listen, combien de fois j'ai menacé quelqu'un de mort sur ce podcast-là? Là? Quand est-ce que les poursuites s'en viennent? C'est long, hein? C'est l'enfer. Tout ce temps-là, pas de mise en demeure. Moi, je suis comme sacrement. Fait que, en tout cas, j'attends vos lettres incessamment. Pire moment, vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas senti, vous ne l'avez pas rien, vous n'avez peut-être pas entendu parler, mais cette année, on a perdu notre studio à cause de la pandémie. On ne peut plus aller enregistrer à Choc. Fait qu'on a été séparés de Maman Choc depuis un bon bout maintenant. Ouais. On s'ennuie là, de la tétée maternelle. Puis voilà. Puis, il a fallu que je m'improvise, ingénieur du son, l'espace d'une seconde. Pas assez, c'était facile. Moi, c'est rien que des voix. Rien que des voix. Il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de guitare, il n'y a pas de bass, il n'y a pas de chanson, il n'y a pas de beat. C'est rien que des voix, facile. Et à un moment donné, j'avais trois épisodes d'enregistrement. On avait déjà enregistré trois épisodes de Deux Fifs le matin. Puis là, je viens pour faire le montage du premier, pas de son nulle part. Puis là, je fais hostie. Bon, allez écouter deux autres. Pas de son. Trois épisodes, pas de son. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai réglé le problème. Les épisodes ont eu lieu, mais je peux vous dire que j'ai passé un 48 heures de stress, d'angoisse et d'amertume. Là, c'était... Maman! Moi, j'aurais abandonné. Ben, je pouvais pas, c'était trois épisodes. Puis c'était des épisodes avec des invités. Je sais, mais moi, j'aurais fait comme, you know what, je peux pas. N'écoutant que mon courage. Je serais devenu flac. Voilà. Ah ben, j'ai eu cette phase-là. Oui. Peut-être que j'aurais overcome, j'ai été finalement. Solide, mais moi, j'ai été comme, glacé, j'ai été gazeux, j'ai été en neige. J'ai passé par tous les stades. Yes, girl. Magma, stalactite, tout. J'ai revu mes vies ancestrales. Ça a été une expérience. Donc, ouais, j'ai failli perdre trois épisodes complets de Deux Fifs le matin. Oh, maman. Ben là, les gens, ils vont peut-être dire « Ouais, mais c'est l'épisode 17, normalement, vous en faites 20. Est-ce que vous êtes sûr que vous les avez retrouvés, là, d'après moi, là? » Oh my God! Jess, elle attend pas que les complotistes trouvent des loopholes. Elle vous sert ça. Voilà. Right, imagine. Voilà. Ouais, on avait un épisode avec Manon Massé. Oui, c'est ça. Actually, on avait vraiment un épisode avec Eric Duhem, c'est juste sa première note. Toi, mon petit babe, pire moment de la saison? Ben, moi, pas vrai. Ben, quand j'ai compris qu'on aurait plus de devant pubis. Ouais, ça a été tough, ça. Ouais, oui, là. Unbreak My Heart, Say You Love Me tough, Again, la gang. On était supposé de la Saint-Tite, on était supposé de. On était supposé de tout faire. Ouais. Fait que ça a été quand même difficile, mais je pense qu'il y a aussi un moment, pas sur Deux Fifs, mais à Crash Ton Thé. Oui. Où j'ai manqué le Snatch Game. Oui, l'épisode recap sur le Snatch Game. Non, mais c'est pas juste l'épisode recap sur le Snatch Game parce qu'il y avait eu le Reading Challenge, oui, le même épisode. Le même épisode. Et le Runway, c'était Night of a Thousand Céline. Oui. C'est ça. Je sais. Quand est-ce que les étoiles vont s'aligner encore pour avoir un Snatch Game puis un Runway Céline à maner dans une. Sais-tu qu'est-ce qui est le plus chien? C'est qu'à l'époque, on savait pas comment enregistrer à distance. Puis deux semaines plus tard, on l'avait appris. C'est vraiment poche. Deux semaines avant, puis t'aurais pu être sur le show. Fait que c'est ça. Ça m'a rempli dans un vide existentiel que je ne saurais nommer. Ouais. Mon prochain tatou, ça va vraiment être du sel sur vos plaies vives. C'est sûr, certain. Ou le titre de mon autobiographie, t'es. Oh, c'est oui. Bon, ça, du sel sur vos plaies vives. C'est trop bon. Ton meilleur moment à Deux Fifs cette saison? Meilleur moment. Moi, je dans la vie, là, il y a du monde que j'admire, puis que j'obsesse over, c'est Thomas et Trana Wintour. Ouais, il y a une restriction judiciaire oui. d'accès à eux autres, oui. d'ailleurs. Hein, oui. Il y a un oui. périmètre oui. autour de oui. là où ils habitent. Oui, ben, Thomas fait partie de la longue liste des gens que j'ai menacé de mort en onde. Same, same. Oui, je oui, sais, les deux, on y a... This is our love language, oui. Thomas. Ouais, c'est ça. Puis moi, c'est un peu le blueprint des bons podcasteurs et podcasteuses. Puis tu sais, en plus, Thomas, moi, quand j'ai découvert cette belle personne-là, de voir quelqu'un de sobre qui produit du content, le fun, qui a l'air d'avoir du plaisir sur la scène culturelle, ça m'a donné un peu une tu sais, on dit tout le temps, ça nous prend de la représentation, là, on veut voir du monde qui nous ressemble. Ça a fait un déclic, moi, pour moi, dans ma tête, de faire comme, ah ouais, ok, tu ouais. peux être sobre et être le fun encore. Ouais. Genre. Ouais, ouais, ouais, en ouais. tout cas, je vous parle, je vois pas. Ouais, ouais. C'est pas ton cas, mais Thomas, oui, réussit bien. Oui. C'est incroyable. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Répondez pas tout de suite. Fait que là, bon, Thomas, on l'avait reçu l'année passée. On a travaillé un petit peu avec pendant Crash Tonté. D'ailleurs, un de mes meilleurs moments, c'est quand t'étais pas là pour le Snatch Game. Puis, ben là, on a eu Trana. Full circle moment. J'ai reçu mes deux personnes, bref, dans le monde du podcasting. En plus d'avoir eu Rita, parce que j'en parlais tantôt, j'ai réalisé mes rêves. On aurait eu Rita puis Kiara sur le show. Gâté. Fait que vraiment, là, gâté au bout. Gâté pourri. Gâté pourri. Même. Ouais. D'ailleurs, j'ai oublié de dire qu'un de mes pires moments de podcasting, c'est quand j'ai scrappé la discographie de Rita Baga. En live. Finalement, ça a donné un excellent running gag de saison. Mais oui. Sur le coup, quand le monde m'a écrit, parce que vous savez, je suis une Virgo. C'est pas que j'ai pas droit à l'erreur, c'est juste que j'en fais pas. Et normalement. C'est pas que j'ai pas droit à l'erreur, mais je suis pas habitué. C'est ça, je suis juste vraiment pas habitué à ça. Fait que ça m'a surpris. Ça m'a surpris quand le monde m'a écrit. D'ailleurs, ça nous a été signalé sur Twitter. Même pas en privé. Si le monde nous a. Wow! Oh my god! Girls are coming for you. Ouais. Just... Bruno Vaga, si tu nous écoutes, je te retiens. Ah! Voilà. Toi, ton meilleur moment de la saison. Mais moi, c'est sûr que comme mes podcasteurs chouchous. Ça reste les ficelles que j'écoute religieusement, puis que j'ai l'impression que c'est mes chums parce qu'ils sont dans mes écouteurs chaque semaine. Fait que là, de les avoir, puis qu'elles soient mes chums dans la vraie vie, dans les studios de Ricochet, à se jaser d'OD, ça m'a vraiment fait du bien. J'ai trouvé ça super le fun, j'ai trouvé tellement cool. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais de comment que t'étais traversé de comme de tensions et de questionnements. Doute, oui. Et de doutes sur, faire se rejoindre le politique puis le mainstream. Mais tu sais, moi... c'est quelque chose qui m'intéresse fucking, en fait, que je trouve vraiment powerful, que je trouve que justement il faut investir dans le mainstream avec du politique, tu sais. Puis c'est quelque chose que... Mais tu sais, c'est un peu ton habitat naturel, là. Tu connais la pop, tu vis de ça. C'est ça, c'est mon intérêt niché aussi. C'est ça, là, je pourrais même vous parler de Michel Foucault de la petite saison, mais le monde va trouver ça plate. Ouais, les antivax et le biopouvoir. Ouais, c'est ça. Fait que... Dans une saison près de chez vous. mais pour vrai, je me demande s'il y a comme du discours antivax qui vont genre récupérer Foucault pour ça. Non, ils sont pas. C'est ça, ils sont pas. C'est un peu élitiste ce que je vais dire, mais je vais le dire pareil. Je pense pas qu'ils sont capables de lire du Michel Foucault. Ok, ça a été dit. Voilà, c'est dit. C'était mon moment universitaire pédant. Ouais. Voilà. Bon, il faut, là, de temps en temps. Franchement, je suis tellement humble d'habitude. Ben, c'est ça, là, sacrement. Sinon, mais tu sais, moi, je pense que j'aime vraiment beaucoup les crossovers dans la vie. Oui. Tout en tout, c'était. Vraiment cool aussi. Puis ce qui était le fun, c'est qu'on vivait pas de FOMO de faire ça sur Zoom, parce que de toute manière, elles sont éparpillées partout au Québec. Oui. Fait que ça aurait été ça anyways. Oui. Fait que tu sais, on avait pas l'espèce de Zoom fatigue de comme, oh my god, on est tous dans nos apparts, puis genre, on pourrait juste faire ça autrement. C'était de même qu'on faisait ça anyways. Yeah. Puis tu sais, comme les Moons, si vous vous posez la question un petit peu pourquoi on coupe ça short la saison, puis tu sais, on coupe ça short, c'est pas comme si ça faisait 10 ans qu'on faisait 20 épisodes par saison. C'est parce qu'on s'endure plus, est-ce que c'est ça? Plus capable, le groupe se sépare, on a finalement Yoko Ono la place, puis. Et voilà, merci d'avoir été à l'écoute. C'était tout pour cette semaine. Non, c'est pas vrai, mais une des raisons pour ça, c'est que justement, c'est ça, c'était quand même... C'est pas pareil online. Le beat est pas pareil. Puis c'est vrai que c'est un beau moment, tout par tout, parce qu'ils sont habitués. Ouais. Puis ça, c'était une des difficultés, je pense, qu'on a rencontré pendant la saison, parce que, tu sais, tout le monde n'est pas déjà podcasteur ou podcastrice. Des fois, ça peut être stressant pour du monde. Si en plus c'est online, ça rajoute un layer. Genre là, faut que tu te connectes, faut que ça marche, ton son marche pas, la vidéo marche pas. Ouais. La demi-heure avant de attends, mais là, il y a de l'écho, ok, ferme, tu fais ça. Puis, il y a quelque chose de pratique de ben personne n'a rien à coller, fait que tout le monde est disponible, c'est le fun. Mais en même temps, puis on peut joindre plus loin. Oui, c'est ça. Mais en même temps, c'est vrai que il y a un truc de ce qui est magique du podcast, c'est se réunir autour d'une table et des micros et avoir une conversation vraie à cœur ouvert, puis t'as moins ça sur Zoom. C'est pas vrai que c'est la même affaire. Le beat est vraiment pas pareil. Puis si on dit pas qu'on a pas eu de fun, on a vraiment eu du fun, puis je pense qu'on s'en est vraiment bien sorti. On a eu du fun pareil, mais je pense que c'est correct aussi de décider, parce qu'on coupe ça short pas non plus parce qu'on a plus de fun, mais parce qu'on sait que comme c'est plus difficile, si on le poussait à 20 juste pour le pousser à 20, on commencerait à s'épuiser et en avoir moins. Je pense que oui. On a parlé un petit peu tantôt, là, mais il a fallu se transformer en. On a perdu du studio, on a rien qui a plein d'affaires qui n'étaient pas supposées de se passer, là, mais bon, c'est vrai pour tout le monde. Mais au final, même quality-wise, là, je regarde ce qui se fait online puis à distance, puis on s'en est très bien sorti. Ah, mama! On s'en est très, très bien sorti. Listen, absolument. Absolutely. Oui. Donc, sur ces fleurs que nous lançons, nous irons donc prendre un petit café, moi comme nos âmes, toujours. Moi, j'aimerais ça que quand je vais mourir, qu'il me comment je dis, il manque un verbe, là, qui m'espressose. Qui t'espresse. Ouais, qui me fasse une infusion de moi. C'est quelqu'un qui va sortir encore, là. Cette infusion de moi, puis qui me tient dans une petite fiole. Jus de Jess. Ça va être à main. Ben, Chris. Genre vinegar times 10, là. Ouais, la fiole, elle va fondre. Non, c'est ouais. Ouais. Dirais que ça va fondre, ça va faire fondre tout sur son passage jusqu'à entrer aux portes de l'enfer. Ouais. Chris, hein, on est passé à me lancer des fleurs à ça. C'est un esti de pente glissante. Vraiment, on va aller à la pause parce que là, j'ai plus confiance en moi. Ciao par la gueule. Comme si ça pouvait arriver. Alors, on revient à notre funeste café où on a fait les arrangements funéraires de Jess au passage et on vous l'annonce tout de suite, vous êtes toutes pas invitées. Voilà. C'est ça. Voilà. Voilà. Pour les gens qui se demandent la date, la plupart des gens vous répondront le plus tôt possible. Alors, c'est maintenant le temps. Oui. C'est ce temps-là. Le moment tant attendu. Je pense que c'est l'équivalent de deux fifs le matin de ce que l'heure de vérité est à OD. Oui. C'est-à-dire les questions du pubis. Les questions du pubis. Alors, moi, je les ai devant moi et je les ai regroupées en catégories. Oh! Alors, on a une catégorie pop culture. OK. Une catégorie sexu. OK. Et une catégorie varia. OK. Je vous laisse deviner quelle catégorie a le plus de questions. Ma gang de cochonnes. Varia. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Donc, on va commencer gentil avec pop culture. On nous a demandé ni plus ni moins qu'un top 3 de nos célébrités québécoises préférées. Bon, ben là, mes deux premières, c'est Jess PVM et Charlie Morin. Oh, mais non! Oh my God! C'est tellement cute! Ben là, merci! Ben, oui. Ça me fait plaisir d'être number 2. Dans l'ordre, dans le désordre, là. Moi, je veux dire, c'est correct de se connaître puis de connaître sa place, mais en même temps, c'est pas ce que je sous-entendais. Plus sérieusement, moi, je suis allé avec mes queer icons préférés de l'année 2020. OK. Alors, Céline en number one, juste parce que Céline. OK. Si tu nommes quelqu'un d'occupation double, je flippe la table. Numéro 2, Joël Legendre, parce que Daddy Joël. Ça va. Et numéro 3, Cynthia et Marjo Daudet. OK. Nos nouvelles icônes lesbiennes qui nous ont libérés de l'hétéro-patriarcat. OK. Moi, for real, les gens vont tout de suite pogner la référence, l'inspiration. C'est quelqu'un que j'adore. Pas pour son contenu politique, mais pour son ton. Moi, Jean-Luc Mongrain, c'est pas mal. Plus très actif, j'en conviens. Une de tes grandes inspirations, quand même. Mais clairement, une de mes grandes inspirations. Là, ça, puis un chien enragé, c'est pas mal mon blueprint. Oui. J'ai appris l'expression blueprint récemment. Fait que d'après moi, je l'ai dit quatre fois. À toi, ça, Osti, ah ouais. J'arrête plus. Je vais nommer Céline, again, parce que je peux pas ne pas nommer Céline. Non, mais Céline. Je veux dire, c'est ça. C'est comme ça. Là, maintenant, there's only one queen, fait que c'est comme ça. Et moi, y aller avec Rita Baga. Ah ouais? Je suis vraiment content qu'enfin, quelqu'un d'autre que Mado soit une drag queen célèbre au Québec. Yes! Oui. Mado qui nous a toujours pas débloqué sur ses différents réseaux, je vous le rappelle. On est triste? Oui, c'est... Ça nous manque, ce contenu-là. We be staying blocked. parfait, sinon... La prochaine question. Prochaine question. Et ce n'est pas une question, et c'est en caps lock, à propos de votre rencontre avec Joël, je veux tout savoir. Ah oui, c'est vrai. Alors, rencontre il y a eu à la soirée de levée de fonds d'Interling où on était là à animer un jeu qui s'appelait Fais-moi un dessin où on pensait qu'on allait faire des dessins aux gens. C'est ça. Finalement, on s'est ramassé à faire des dessins. Oh, sacrément. Mon équipe a rincé Jess, là. Et la raclée qu'on lui a infligée. Incroyable. On a découvert que j'étais un un Picasso. Oui! Tu sais comment c'est un bon peintre Picasso? Oui, là, ben comment oui. Que, avec des formes claires et super figuratifs. Oui, un excellent exemple. C'est ça. imagine, j'en fais moins un dessin, mais tout genre à la manière de Picasso. Uh-huh. Genre comment c'est rochant. Oh my God! Anyways, tout ça pour dire que Joël Legendre était là. Oui. Puis là, on cabotait, on se disait, Calis, Joël est là. Asti, ça n'a pas de bon sens. Notre reine à tous. C'est ça. Fait que là, on s'est dit, Chris, c'est notre moment. Fait que là, moi, j'étais gêné. Jess était gêné. Jess était gêné. Mais là, moi, j'étais comme Jess, c'est là, on y va. Là. J'étais comme, tu sais, je me posais la question, je veux-tu vraiment rencontrer Joël Legendre en compagnie de Charlie? Je suis pas sûr. Oh my God. Oh. Comme si je te gênais pour vrai, genre. Ben non, tu me gênes pas pour vrai, mais après tout, t'as vendu tes mères, toi, pour voir Joël. Bon, est-ce que. Est-ce que j'ai utilisé ma famille homoparentale comme levier pour ouvrir une conversation avec Joël Legendre dans le but de lui soutirer une selfie? Absolument et sans remords. C'est exactement ce que j'ai fait, ça a fonctionné. Yes, fait que quand il va finir par écouter notre podcast puis comprendre de quoi il en retourne, pour de vrai, je ne serai pas associé à ces sujets. Fait que c'est ça qui s'est passé. Back on pop culture. Votre outfit préféré de Céline? Moi, ça va être une réponse super courte. C'est quand elle a chanté My Heart Will Go On au VMAs de pas long. Ouais. Sa grosse robe blanche, là. Décrit, là. Non, c'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. Voyons. Tu disais ça, puis j'étais comme, tu te crois-tu vraiment? Sacrament. J'ai pris un choix facile. Mais non, c'est pas vrai. Moi, puis Charlie, on fait partie de l'élite queer. On est allé voir Céline en show avant la pandémie. Il y a une chance qu'on a eu ça avant la pandémie. Les élus. Nous sommes les élus. Ouh. Ouais. The one. Moi, je me suis fait upgrader mes tickets. Oui, c'est vrai, je me rappelle parce que t'étais trop loud dans ta section. C'est pas ça. Non, j'étais dans. On était au troisième balcon avec ma soeur. Oui. Oh, yes. The props. Double blanc. Il est entouré d'une gang queen de Karen. Queen of being name dropped. Puis lui, il a pas payé. C'est Sony Music qu'ils ont envoyé là. Wow. Ouais. Non, moi. On devrait podcaster en anglais. Ben. Ouais. Moi et ma soeur, on fait juste walk around. Puis il y a une fille qui fait juste nous accoster et dire aimez-vous Céline. Puis on était comme oui. Oui. Pourquoi tu penses que je viens de dépenser 50$ dans un t-shirt? J'ai acheté un t-shirt. Yes. Puis là, il dit OK, ben tu sais, vu que les shows avaient comme été rescheduled et tout, il y avait des places vides au parterre. Puis il était comme OK, on vous upgrade au parterre. Puis je veux dire, l'élu, c'est moi ça. Incroyable. Fait que continue. Ben oui, c'est ça. Fait que mon outfit pendant ce show-là, il m'a un style d'outfit un peu tomboy kind of thing. Là. Puis surtout pour Céline, elle aime bien ça. Là. Tout le monde pense qu'elle est lesbienne, mais moi, je pense qu'elle est bisexuelle. Faut visibiliser les bisexuels. Alors, toujours est-il qu'elle a son ensoute avec des manches énormes, mais énormes. C'est un chapiteau chaque bord. Puis, tu sais, nous autres, on est habitués. J'avais Cavalier à l'intérieur. Ah, oui, c'était l'enfer. Tu sais, la liberté est tombée maintenant. Mais, c'est ça qui fait de ce temps-là. Ça va pas bien, ces affaires, lui. Ça aurait pu être un bon sujet d'actualité. Ça, tout le monde s'intéresse à Guy la liberté. Alors, puis là, elle fait juste enlever ses manches. C'est ça son reveal. Puis son reveal, c'est genre, oh, je suis tanné de ces manches-là, c'est même trop gros, puis elle les enlève. Là, je suis comme, mais voyons, si je voulais une split, un dead drop, ça serait pas dead drop. Yes, queen reveal! She had a wig under a wig under a wig under a wig! Absolument pas. C'était juste anticlimactique. Love that. Oh my God, je veux juste donner un petit shout-out à Barbada qui était à Interligne. Oui. Qui a amené, je pense, 44 outfits différents. Ah, pour vrai, hein, this bitch. Un professional. On l'a vu sur Drag Race aussi. Ah oui. Oui, Barbada, sérieux, j'étais impressionné. Si à chaque nouveau segment, le meilleur outfit. Tout ça dans une piscine à boules. Incroyable. C'était écœurant. Bravo. Moi, mon outfit préféré de Céline, oui, oui. Taper Céline Memphis 1997, oui. All By Myself. J'en ai sûrement déjà parlé sur le podcast, mais je vais en reparler. C'est encore lisse dans l'épisode recap. Elle a un One Piece butterscotch, patte d'éléphant, oui, avec un camel toe, du calice. C'est mémorable, avec un veston doré, puis des cheveux comme, tu sais, genre par en arrière, mais puffy, genre. C'est beau. Allez voir ça. En plus, ça fait des beaux petits moves de danse à la Céline. C'est vraiment parfait. Fait que là, on est déjà dans la catégorie sexu. Oh, OK. Qui, à elle seule, a plus de questions que Varia et... pop culture. Pourtant, réunis. On parle si peu de sexe à deux filles le matin. Je sais, on est gênés. Ben oui. Mais on nous demande où sont les glory holes sanitaires, à quand leur déploiement? Alors, Valérie Plante nous dit que les pistes cyclables seront recyclées en champs de glory holes. Oui. On est en pour parler avec la santé publique et tous les paliers gouvernementaux pour financer ça, si ça s'en vient. Oui. Comme d'habitude, le provincial s'est retiré et le fédéral a compensé, comme pour le REM vers l'aéroport, où d'ailleurs nous aurons des glory holes sanitaires, parce que je veux dire, on croit aux échanges internationaux. Puis je veux dire, à un moment donné, là, c'est un pays défini par son accueil. That's it. Voilà. on a aussi décidé d'investiguer le cabanon de Deugelion, qui était supposé être une darkroom lesbienne, mais que comme n'importe quel espace pour des lesbiennes dans le village gay, on a juste décidé de couper ce cours puis de déjà hijack la place. Oui, voilà. Sorry, voilà. On leur on, là, tant qu'à ça, on les décevra pas, on leur laissera ben pas croire. Ben non, on leur laissera pas croire que, là, on va déjà. That's it. This is a cisgay space. C'est pas vrai que l'espoir, c'est notre brand. Là. Non, that's it. Fait que voilà pour les Glory Holes sanitaires qui s'en viennent. Je pensais que t'allais dire voilà pour les sections, les, la section sexu. J'étais comme, ben voyons, ça se passe. Non, hey, God, there's more. D'ailleurs, celle-là, oh my God. j'aime tellement nos auditeurs. Fait et que, auditrices. Et auditrices. Auditox. Ben, et audi quoi? Parce que là, oui, maintenant on commence à mettre des X ben là, oui. Pour gender neutraliser. Je suis pas tout à fait encore à l'aise, mais je me pratique. Ah que, oui. Auditux. Vous êtes bonne. rimer un hémorroïde pour ou contre? Ah ben là! Interne, externe, on sait pas. Mais c'est ça l'affaire. C'est que il y en a des internes, fait que peut-être que vous avez déjà rimé des hémorroïdes sans vous savoir. Savez pas. Mais qu'en est-il? Pour celui d'externe, moi, tant que la veine pète pas. Tabarnak. Ça va. Non, mais c'est parce que je veux dire, amener du sang partout, c'est un peu beaucoup, là, un petit peu de caca, je comprends, mais. Maintenant. C'est allé vraiment loin, vraiment rapidement. Tu sais, je veux dire, pauvre bottom qui s'est préparé, qui a pas, vous n'êtes pas obligé de le faire, by the way, là, il y a une espèce de fixation sur les poires anales, là, c'est pas obligatoire. Mais! Ça dépend. Il y a des gens qui connaissent leur corps, qui savent le travail qu'ils ont à faire aussi. Bien, oui, anyway, c'est ça, mais c'est pas obligatoire. C'est ça. Sachez-le. Mais toujours est-il que, tu sais, je me dis, l'hémorroïde, là, t'as beau te passer à la poire anale 10 fois, l'hémorroïde est encore là, tu peux pas t'en débarrasser. Mais bon. Fait que moi, c'est ça. Tant que la veine pète pas, moi, je suis une rimeuse. En plus, je suis pas une suceuse. Moi, je suis vraiment plus dans le tout, dans la graine. Fait que... Oui, mais moi, je suis aussi comme normalize, être comme, hey, il y a peut-être une veine qui va pas bien. Ouais. Toi vas-tu bien? Ouais. Toi vas-tu, tu sais? Mais aussi... Faire d'autres choses. Oui, c'est ça. Au pire, faire autre chose. Mais tu sais, c'est plus... l'affaire, c'est que c'est juste une veine engorgée. Tu sais, c'est pas quelque chose qui peut se transmettre. Pas... Non, si ça absolument. Si ça t'écœure pas, do what you go want. Ahead. Do what you want, what you want, what you want, what you want, what you want, my mind. Okay. ça s'est rendu trop loin déjà. baiser des inconnus en 2021, suis-je trop optimiste? Bon. Chaque chose en son temps, peu importe la prémisse, peu importe c'est quoi l'introduction, si tu me dis « suis-je trop optimiste », ma réponse à ça, c'est oui. Oui. Oui. Toujours trop d'optimisme. Voilà. C'est de la positivité toxique de penser que exactement. Tu vas pouvoir fourrir en 2021. Exactement. Tu peux-tu aller « live love ailleurs », s'il vous plaît? Non, mais je pense « écouter ». Écoutez. À moins que Lucie Laurier trouve un moyen de faire un coup d'État et que le vaccin soit cancellé, j'ai bon espoir pour 2021. Oui. Ceci étant dit, j'aimerais rappeler qu'il y a quand même du monde qui le font. Oui. Qui trouve des moyens de le faire, qui s'organise en fonction, qui genre voit, tu sais, qui priorise ça aussi, puis voit moins de monde, puis que tu sais. Mais en même temps, tu sais, je comprends les gens qui sont quand même parce que ça dépend de tes qui, puis tu sais, pour certains. Ben, un inconnu, c'est plus une roulette russe. Ben, c'est ça, j'allais dire. Puis tu sais, c'est pas tout le monde pour qui c'est une priorité. Je veux dire, puis je comprends que les gens pour qui ça fait partie de leur vie, puis c'est correct. Je aucun jugement. Mais tu sais, comme moi, je veux dire, moi, je m'étais pratiqué. Là. Moi, j'ai arrêté d'avoir du sexe avec des inconnus, pas à cette pandémie-ci, mais bien à la grippe espagnole. Donc, voilà. Moi, la dernière fois, c'était un beau petit conquistador. En tout cas, tabarnak. Là, j'ai mélangé les époques. Oui, non, on fait des sauts dans ça l'histoire. Sent, quand ça fait longtemps. Hein. Ben, c'est ça. Quand ça fait longtemps. Top 3 des mots pour décrire des fesses. Mmh. Alors, moi, j'ai... Toi, t'as? Ben, moi, numéro un, fun. C'est tout le temps drôle, fun. Ben oui, puis en des plus, c'est comme moon. Ben, des fun ça de rentre moon. Dans le, c'est des ça. Des fun de moon. Voilà. J'ai aussi l'antre de la perdition. OK. Et ma salle de réception privée. Ah! Ouais. Quand même. Moi, c'est sûr que j'ai pas de cul. Fait que je fais juste appeler ça The Abyss. Hein? Ben, c'est devenu... Et moi, les top 3, ça me fait chier. Fait que c'est 1. Wow. Voilà. Wow. Voilà, moi je change les règles du jeu à mesure qu'on joue. Ben j'ai gagné l'élection, c'est de la fraude. Arrêtez tout ce que vous faites. Sinon, on a une question vraiment originale, inusitée, jamais entendue avant. Ah ouais, OK, you host. La question c'est top ou bottom. Oh ouais, my god, je pensais jamais qu'on nous poserait cette question là, ça m'est jamais arrivé encore. Non, moi non plus. Non. Et tu sais moi, qu'est-ce qu'on veut se livrer là, okay, qu'on veut moi, dire c'est ça sûr, au public. Moi là. C'est sûr que ce que j'ai envie de dire c'est que ça fait chier parce que peu importe ce que tu réponds, les gens pensent que c'est coulé dans le béton puis ouais. Que si tu dis que t'es bottom jamais ouais. Tu pourras comme give good dick to someone puis t'es une cause perdue puis je veux dire à un moment donné, genre tu sais. Ben, je sais pas, moi je suis pas attaché à ces trucs-là non plus, puis je me sens, tu sais, c'est pas part of your identity. Je me sens en capacité de versatilité. Mais ça dépend aussi de différentes chimies avec. T'as pas besoin de te sentir en capacité. Mais je me sens en capacité de versatilité. Je m'invalide dans mes sentiments. Non, mais justement, ça a été prouvé maintes fois que t'es versatile. T'as pas besoin de juste le sentir. Mais c'est ça, tu sais. Mais sinon, genre, a bottom who gives good dick me décrirait très bien aussi. Ok. Ouais. Ok. Parce que quand tu dis verse bottom, ils te croient pas. Ils sont comme, de ma vraie, je suis comme, non, bitch, I can't give a dick. Ouais. Ouais. Moi, top, c'est facile. That's it, hein, ça voilà. Pas, c'est ça. Il y a pas 56. Hey, gros niaisage pour arriver à tout. C'est ça. Ce qui est dommage, parce que moi, personnellement, j'aimerais bien ça être sur le dos, les pattes dans les airs, mais. Mais je veux dire, tu peux faire du yoga, là aussi. Ça, c'est, je veux dire, girl, là, y a rien qui t'arrête, là. Tout ce fait de me mettre à ça, c'est bien moins compliqué. Votre saveur de poppers préféré? Alors, là, est-ce qu'on parle de boisson alcoolisée ou de l'affaire qu'on sniffe? Voyons, Esti, c'est nos auditeurs et auditrices et auditeurs X. Ben oui, mais... Je veux dire, c'est clairement des poppers qu'on sniffe. Je sais pas, là, moi, des fois, je regarde le message qu'on a, puis c'est pas tout le monde qui est écouté comme du monde, là. Ah. On sait pas. Ah. On sait pas. Ben, moi, je le prends pour des poppers, là. Oui, poppers, ce qui est aucunement plus clair, mais des poppers, pour moi, des poppers, c'est... Voyons, pour une tapette, là, poppers, c'est poppers. Poppers, poppers, d'année. Non, des poppers, c'est des poppers, mais mon poppers, c'est des voilà. Fait que, vous, madame PVM? Mon Dieu Seigneur, moi, c'est parce que je me rappelle juste de genre Jungle quelque chose, genre, c'était plus Jungle quelque chose, Jungle Juice, don't you fucking diss Jungle Juice. Sur ça, notre podcast. On se cherche des commandites. Voilà. Hey, ça serait-tu hâte à ce podcasté Highs et Poppers? Oh my God. Hey. Juste à chaque début de, d'épisode, on en ouvre une. Puis ah ouais, le studio. Fait que Jungle Juice, c'est mon choix. Toi, tu vas nous plugger Chocolat Menthe, je le sais. OK, mais pas Chocolat Menthe. Mount bitch. Oh. Double Scorpio qui est. OK, Double Scorpio, c'est l'affaire la plus drôle ever. C'est genre. C'est l'équivalent d'une microbrasserie de poppers aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est vraiment comme. This faggot couple que genre. Il y en a un des deux qui est chimiste, puis genre qui fait ça dans le sous-sol. Alors que c'est super dangereux. Il faut vraiment avoir une expertise pour être capable de faire ça. Puis l'autre s'occupe du branding et tout. Uh-huh. Puis ils distribuent à travers les États-Unis, mais clairement, ils peuvent pas shipper jusqu'au Canada. Fait que si jamais vous passez aux States, ramenez-moi du Double Scorpio Emerald. Ça, c'est celui-là qui est mentholé. Parce que moi, je peux même plus, si je vais aux States, m'en ramener à moi personnellement, parce que je l'ai déjà fait, me suis déjà fait pogner par la douane et ils m'ont. C'est pas. Tu sais, j'ai 20 ignorants, j'étais comme, ben non, c'est pas que c'est illégal d'en ramener, c'est juste que comme c'est pas un produit en vente, là, on peut pas te laisser rentrer avec ça. Fait que là, j'ai dû céder mes poppers à la couronne. Ah! pour vrai, j'ai rempli un formulaire qui cédait mes poppers à la couronne. La couronne détient de mes poppers à moi, la calice. Tabarnak. Et je sais qu'elle en fait pas bon usage, là. Ben non, c'est clair que non, ils savent pas quoi faire avec ça. Ben non, c'est anyways. Pis, anyway. Fait que c'est ça. Fait que. Meilleur saveur de poppers, menthol. That's it. Excellent. Next question. C'est quoi le G.I. Joe, là? Avez-vous écouté le podcast, calice? On écoute-tu? On a fait-tu? OK. Le G.I. Joe. Le G.I. Joe. C'est un sauna. Voilà. C'est un sauna. C'est un lieu de cruising. Voilà. Avec des c'est ça. Ouais, donc voilà, c'est un sauna. Donc, c'est quelque part où tu payes pour soit te prendre un casier ou une chambre où tu ranges tes vêtements, tu te promènes avec une serviette autour de ta taille. Puis, moi, j'appelle ça le sauna. Charlie appelle ça chez nous. Là, mais... moi, j'appelle ça la maison. Voilà, c'est son chalet d'été. Oui, le petit savon rose du GI, c'est ma Madeleine de Proust. Ça te ramène. Wow! Oui. C'est moi qui est supposé faire ces références-là. C'est moi qui est snob. Stolen! Follow-up, parce que là, on a plusieurs questions sur le GI. Je pense que c'est dans les options de quand tu cherchais des questions sur Instagram. Oui, j'ai fait une joke de GI. T'as fait une joke de GI, les gens ont très bien accroché. Mais là, il y a Lana Dalida. Oui. Qui est une drag queen qu'on n'a pas pris la peine de nommer quand on a parlé de nos espoirs à Drag Race Canada. Sorry, bitch. J'espère que when you make it, là, quand tu vas parler de tes haters puis des gens qui n'ont pas cru en toi puis dans leurs dents, là, tu vas nous name drop. Voilà. Fait que surtout sur Drag Race Canada, tu peux bien dans n'importe quel contexte, tu peux nous drink. Please. Voilà. Donc Lana Dalida qui nous demande, qu'est-ce qu'elle nous demande? Elle nous demande c'est-tu elle qui demande coudon c'est-tu si hot que ça le GI? C'est elle qui demande coudon c'est-tu si hot que ça le GI. Puis on va y répondre. Ben, on va l'amener. On va l'amener. Pendant que c'est ça, ben, pas là parce que. Hein? Non, ben là, en ce moment, ça sert à rien. On pourrait faire une visite des propriétaires, au moins y montrer le spot. Là. C'est-tu si hot que ça? Dépend quand, dépend de qui. C'est comme c'est du sexe. Fait que c'est la même affaire qu'ailleurs. Vendredi, samedi soir, c'est là que ça se passe. Voilà. Je dirais qu'un bon mardi après-midi va au cinéma, c'est moitié prix. Exact. Section préférée du GI, moi, c'est sûr que c'est l'entrée où le dimanche, on te sert un spaghetti inclus dans ton entrée. Oui. Je veux dire, c'est mon spot préf. Voilà, c'est clairement. Il y a du spaghetti. Moi, c'est la petite salle de cinéma parce que j'aime bien l'ambiance peep show. Ah oui. Ça existe plus tant que ça, ça, dans notre culture. C'est une affaire qui disparaît tranquillement, mais oui. J'aime bien ça. Moi, juste aller me branler tranquillement, pas vite, quelqu'un vient de me rejoindre, puis là, on se passe des affaires, puis là, tu es dans ma chambre. D'avant. Céline. Et si tu zappes là. C'est ça, c'est de ça qu'elle voulait parler, en fait. Les choses s'y passent. Il faut que tu viennes. Ah oui, là, c'est au plein, c'est parfait. Tellement bon. Voilà. Fait que c'est ça. Sinon, pire expérience de hook-up. Oh my God, pire expérience de hook-up. My God. Là, moi, je reviens à mon conquistador espagnol. Oui, généralement, les gens qui débarquent sur un continent pour assassiner des populations puis voler de l'or, ça fait pas nécessairement les meilleurs hook-up. Effectivement. J'ai pas assez d'histoires de sexe, moi, c'est ça l'affaire. Là. J'ai fait des jokes de cul sur Instagram, là, le monde parle juste de ça, mais moi, j'ai pas de pire hook-up. Dieu, par où on commence? parce que je veux dire, quand on donne dans... Oui, c'est ça, là, ben là t'as sorti tes microfiches, là, t'es allé faire tes recherches. Oh my God! non, mais j'ai des expériences un peu drôles. Ben, un moment donné à Sao Paulo, avec un gars, on débarque du taxi, puis il me montre que, genre, 5 buildings plus loin, il est comme « Ah, check, j'habite là », j'étais comme « Ah, cool, on fait ce qu'on a à faire ». Puis là, un moment donné, je suis juste comme « Hey, tu sais, j'invente une excuse, je suis comme « Ah, je partage cet appartement-là avec un ami, il va revenir bientôt, il faudrait que tu t'en ailles », puis il me dit « C'est pas très poli, ça ». J'étais comme « Oh, oh, oh ». Oh my God. Puis là, pour vrai, il s'en allait s'endormir, là. Moi, j'étais en train, je sais pas. Oh non. J'étais en train de chiller, puis il était en train de s'endormir, puis là, il a vraiment fallu, puis là, j'étais comme, là, le temps commençait à lever, puis j'étais comme, là, endors-toi pas, parce que je vais te réveiller, oui, parce que je t'ai dit que je dormais tout seul, fait que là, mais il m'a vraiment mis dans une position où j'ai dû me lever devant lui, pour faire comme, là, tu vas t'en aller, j'ai dit, oh, tu t'en vas, oui, non, c'était lourd, alors à cette personne, qui que tu sois, t'es chanceuse, en esti de pas être tombée sur moi, ah, oui, déjà, j'ai été indulgente, sinon, à Portland, de manier, il y avait un gars qui goûtait à sandwich aux œufs. Ah. Ben, quand je le Frenchais, là. Pas ailleurs, ça aurait été vraiment weird. Mais il était vraiment cute, puis c'était vraiment le fun. C'est juste qu'il goûtait vraiment à sandwich aux œufs dans sa gueule. Ah! Ouais. Bizarre. C'était bizarre. C'est spécial. Puis ce serait, mettons, les deux. Deux affaires qui me viendraient en tête. OK. Hein? OK. Ouais. C'est quand même des pas pires. Tu sais? Ouais. Genre, j'en ai sorti deux, là. Je t'en ai dit, tiens. C'est bon, genre, je vais t'en prendre une. C'est ça. C'est bon, pour moi. Merci. On est déjà dans Varia. On est déjà dans Varia. Fini les questions sexuelles. Vous ne voilà. Savez jamais si on est circoncis. Pas vrai, je l'ai déjà dit en ondes. C'est-tu vrai? Ben, je pense que je l'ai déjà dit en ondes. Mais je dirais pas là. Retournez éplucher nos archives pour voir si j'ai un prépuce. Ou son pénis, mais. Oh! Épluchez-moi le prépuce! Ben, si t'en as encore un. Si j'en ai encore un. Mystère. Ah. Mystère et boule de com. Donc. Si t'étais un serial killer, quelle serait ton arme? Je pense que tout le monde s'entend pour dire que ce serait ma capacité à détruire toute estime de soi chez quelqu'un juste en parlant. Ben, ouais, on détruit de l'intérieur, ouais, là, ouais, d'un meurtre psychologique. Moi... C'est l'ITS du moment, j'imagine. Oui. Oh my God! moi, je pense que je serais old school, tu sais, ah ouais? Vraiment fin 90, début 2000 style. Je pense que j'irais avec des chaînes de lettres. Que si tu partages pas, tu vas mourir, ma calice. Oh my God. Voilà. My sinon, God. Toujours dans Varia. J'ai tué la mère de bien du monde. Oh, gars. Fuck Xavier Dolan. That's it. Hey. C'est comme la COVID, ça t'attaque aux plus vieux. Voilà. Vous avez. Damn. OK. Toujours dans Varia. Oui. Avez-vous vraiment bu du café pendant toutes vos émissions? La réponse est non, dans une seule. Dans une seule, celle d'un bureau de ricochet, oui. Parce que la Réal des ficelles est vraiment amené, nice, puis elle nous en a offert. Ouais, elle nous a amené un café filtre, ouais. Si j'en revenais pas. Props, Gabriel. Vraiment, on vraiment. Est-ce que la gauche bourgeoise, ils ont de l'argent, hein? Hey, du café, girl. Quand moi, là, le jour où je vais pouvoir me payer ça, là, si je vais y être arrivé dans nous vie. Autres, il nous reste quoi? Du mètre puis de la quête? C'est ça. Ouais. C'est ça. Calice. Toujours dans Varia, du ketchup dans le craft dinner, oui ou non? Oh my God, débat de société, je pense que... Mais voyons, débat de société. Mais là, débat de société. Moi, je veux pas vivre dans une société où c'est un débat, là, c'est non. Oui, c'est non. Bon, merci. C'est non. Qu'est-ce qu'on met, par contre, dans du craft dinner? Uniquement de la margarine. Et de la poudre jaune. De la margarine. De la margarine. Vrai. Ça, là. Moi, tant qu'on va du craft dinner, moi, je mets du beurre. Non, c'est déjà de la petite boîte. Tu vas pas mettre de quoi qui vaut de l'argent là-dedans. Mais regarde, moi... Mais non. Moi, le... Mais non! Dis-les que j'en fais partie de la gauche bourgeoise et je te dis. En fais partie de la gauche bourgeoise. Oui, je mets du beurre dans mon craft dinner. En fais partie de la gauche bourgeoise. Des saucisses hot dog aussi. Je vais quand même pas acheter des saucisses italiennes dans mon craft dinner. Non, non, non, pas de saucisses fancy. Saucisses hot dog. Avez-vous des animaux de compagnie? Seulement ma dépression. C'est beau ça. C'est difficile la COVID. C'est beau ça. Oui, moi aussi j'en ai un. J'ai un colocataire hétérosexuel. Ah! Voilà. Et dernière question de notre grande chum des mimes gays qui nous demande, oui, je peux-tu passer Queermas, qui est Queer Christmas, c'est ça qu'on a compris dans le mot valise, c'est juste que si vous l'avez pas devant vos yeux, je me suis dit que ça serait peut-être pas, en tout cas, moi je voulais préciser. Ben voilà. Je peux-tu passer Queermas avec vous autres, et malheureusement, on s'est donné le go, mais le go nous a pas donné le go. Voilà. Fait que, sorry, des mimes gays. C'est ça. Voilà. Donc, c'était... On aurait aimé ça, là. On aurait fêté, mais on aurait eu du plaisir, d'agrément. Heureusement qu'on est laïque puis qu'il n'y a pas de fête de Noël. C'est ça. Fait que c'est ça. Voilà. Conclusion triste de cette histoire. On a élu le Grinch. C'est ça qui s'est passé. On a élu le Grinch. Ouais. Précisément. Fait que c'était tout pour l'heure de vérité sur les questions du pubis. Ouais. Merci de votre participation en grand nombre. Oui. Il y en avait encore plus, mais on les a pas gardés. Là, il a fallu en skipper maintenant. Je veux pas qu'il demande de quoi mon animal préféré, mais je veux dire, moi, l'humain, je suis humaniste. Fait que. Oh, mon animal préféré, c'est Éric Duhaime, mais non, tout le monde sait ça. Fait que, on va aller se chercher un dernier café de la saison. Oh my god, le café du deuil, de l'angoisse. De la déchirure. Et pas de la fissure anale. Et on vous revient quand on a les poitiers. C'est ça. Et voilà! Et c'était tout pour cette saison de Nuque le matin, la saison 2 en 2020, la saison pandémique. Je peux pas croire. Moi non plus, je peux pas croire. Je peux pas croire qu'on l'a fait, puis je peux pas croire que c'est fini. Je peux pas croire que c'est bon de même. Mais ça n'a pas de bon sens. Chris, moi, je suis fier de notre saison. Vraiment. Même si, c'était pas facile. Merci à tous nos invités. Pour oui. Vrai, on a eu du quality people. Sérieusement. Puis tu sais, comme d'être venu chez nous quand c'était encore possible, c'était too much. C'était super le fun. Les gens qui ont pris le temps de gosser pendant une demi-heure à essayer de faire marcher le son, les vidéos en way down. Les affaires à distance. C'est incroyable. Genre, j'en reviens pas qu'il y ait autant de gens qui se soient... Puis tu sais, comme... Je sais pas pour toi, mais moi je suis tout le temps surpris. T'sais, on n'a pas besoin de courir après le monde. On dirait que le monde aime ça venir. Puis c'est tellement touchant de voir que le monde accepte ça. C'est quasiment comme. Non, c'est vraiment cool. On s'en fout de quoi vous voulez parler, on vient. Quasiment à ça, là. Ouais. C'est vraiment incroyable. Puis moi je veux vraiment remercier nos invités. C'était trippant. Genre, évidemment, les Moons. Merci, les Moons. Le pubis. Pour vrai. C'est en feu cette saison. Puis c'est ça qui est poche, c'est que, tu sais, comme. Autant, genre, je veux dire, saison 1, nous autres, on aurait eu 50 personnes, on aurait été lit. Là, déjà que ça a comme dépassé ça, là, la Moon Army, c'est mobilisé. Je veux dire, il y a eu un... Comment t'appelles ça, là, les... Un effort de guerre. Non, mais tu sais, il y a eu une nouvelle conscription. Genre, j'étais pas loin. C'est encore plus... puis c'est poche parce que j'aurais tellement voulu que ce soit tu sais, je veux dire, c'est niaiseux de dire j'aurais voulu qu'il y ait pas de pandémie, beaucoup de gens pour beaucoup de contenus. Ouais, je pense, tu sais, je pense qu'il y a personne qui est comme thank fucking god. Mais quand même, tu sais, c'est tout le temps le fun de faire des lives, d'être en contact avec on s'ennuie de vous autres sacrément. Merci à Maman Choc. Merci à Maman Choc. Qui nous produit, qui nous a aidés, qui nous a... Qui nous materne, qui nous lèche tel des petits chats sales. Puis qui répond à mes courriels angoissés. T'es-tu calissé plein de sauce à poutine sur ton chandail? Je suis beurre de sauce à poutine en ce moment, la gang. C'est comme ça qu'on conclut la saison. C'est comme ça qu'on a conclu la saison, la manche pleine de poutes. Non, j'ai pas dit ma fin, là. Faut que je dise la fin, c'est la dernière fois de la saison. Je te l'ai pas bien si je dis pas. Your time to shine, dernière fois de la saison. Vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux qui ont de l'allure en tapant 2, le chiffre 2, FIF, avec un X à la place du I, parce qu'on veut pas se faire jeter dans le bol des Neymars. 2 FIF le matin en un mot, et ce, sur toutes les plateformes. Mettez-nous 5 étoiles, des thumbs up. Si vous nous croisez dans la rue, donnez-nous un blowjob, on est disponible. De toute façon, les Glory Holes s'en viennent, là. On vous l'annonce en grande pompe tantôt. Ah! En grande pompe. A annoncé les Glory Holes en grande pompe. Si quelqu'un, faites-vous tatouer ça sur un bras, s'il vous plaît. Et moi, toutes mes quotes, je pense que quelqu'un va se faire tatouer un jour. Ouais. Oui. Moi aussi, j'y crois. Ça risque d'être moi, mais... C'est ça. C'est ça. Ça serait tellement... J'allais dire prétentieux, mais après ça, j'hésitais en disant que ça serait tellement moi. Mais en tout cas. Sur ce, les Moons, on vous souhaite une belle année 2021. On devrait se revoir quelque part là-dedans si la pandémie nous laisse enregistrer un podcast. Pour vrai, la barre est basse pour 2021. Genre, c'est n'importe quoi. Hashtag la barre est basse. Hashtag la barre est basse. Fait que prenez soin de vous. Revenez-nous en santé. On vous aime. Oui, ben revenez-nous en santé ou restez en à santé. À bientôt. Ce n'est qu'un au revoir. Fais-y stop. Non, ça finit pas de même. Ça finit pas de même. C'est pas vrai. Calé. C'est sacrament. Ben là, c'est ça où je chante oh, Holy Night, mais comme à la façon de Céline, sans fausser. Mais de toute manière, je veux dire, pourquoi tu mets notre de toute manière, tu as déjà chanté. Il y a besoin de chanter Holy Night en plus. Ben, moi, j'en rajoute tout le temps. I'm literally not daring you.